Bonsoir à tous, bienvenue dans ce magazine Énergie Positive, dans lequel j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui François De Witt, qui est parmi nous et qui a eu le grand plaisir, enfin le plaisir, de la gentillesse d'accepter notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bon, merci en tout cas d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis ravie. Mais oui, moi aussi. Vous venez nous parler de la parution de votre livre intitulé « La preuve par l'âme ». Oui, absolument. Voilà. Vous avez été, vous êtes un ancien élève de l'école polytechnique, de Sciences Po également. Vous avez enquêté sur le monde économique et financier pendant 18 ans à l'Expansion, avant de diriger successivement les magazines La Vie française, Challenge et Mieux vivre votre argent. Absolument. Vous avez aussi été chroniqueur radio pendant plus de 20 ans. Oui, et sur des questions d'argent, d'ailleurs, sur des questions qui n'ont rien à voir avec mon livre. Et effectivement, c'est surprenant d'avoir un titre comme celui-ci, après votre parcours, en tout cas. Alors, comment, si vous pouviez vous présenter à nous, aux auditeurs, comment vous décririez-vous? Ben, si vous voulez, moi je suis, j'ai toujours voulu être journaliste, donc à la limite, Sciences Po ça va très bien pour être journaliste, Polytechnique c'est un peu plus bizarre, c'est parce que j'étais bon en maths, si vous voulez, donc j'ai fait Polytechnique, mais sans avoir l'idée de devenir un cadre supérieur, dirigeant de grosses boîtes, etc., ce qui est souvent le cas des polytechniciens, ni de devenir un chercheur. J'avais jamais simplement les maths et j'avais toujours dans la tête d'être journaliste. C'est un métier qui m'a toujours plu parce que journaliste, il a un côté. Un de mes grands héros dans le monde, dans ma jeunesse, c'était Monsieur Prométhée. Prométhée, c'était donc un titan et qui avait volé le feu sacré des dieux et pour l'apporter aux hommes. J'adore cette idée un peu de transgressive, si vous voulez. C'est un être qui donc prend les choses cachées pour les révéler au monde. Et c'est un peu ça le journalisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'un journaliste, il faut qu'il soit un peu transgressif, il faut qu'il aille un petit peu fouiller là où les gens vont pas, révéler des secrets que les gens cachent. Et donc, c'est un métier qui m'a toujours beaucoup plu et dans lequel je me suis épanoui pendant 40 ans. Mais ça répond pas, tout de même pas à votre question. Il y a aussi quelque chose d'autre dans ma vie qui a compté beaucoup dès mon enfance, qui est, disons, le paranormal. Quand j'avais 7 ans, je me couchais, ma sœur, qui en avait 7 de plus, ma sœur aînée, me lisait au lit avant de m'endormir. Il n'y avait pas de télé à l'époque. Me lisait des contes d'Edgar Poe. Alors Edgar Poe, c'est assez terrifiant. Il y a des massacres, les gens emmurés, il y a des fantômes qui se baladent partout et tout. Et je trouvais ça fascinant. Je trouvais ça fascinant, mais ça me faisait m'empêcher de dormir la nuit, évidemment, parce que j'ai l'impression qu'il y avait partout des fantômes autour de moi ou des gens qui étaient sous mon lit, des voleurs et tout ça. Et curieusement, ça m'a rendu service, et c'est peut-être ça le début de ma réflexion. À l'époque, je n'en avais aucune, bien entendu. C'est que je me suis imaginé un jour que j'avais un petit angelot blanc sur mon épaule droite et un petit démon bien rouge avec sa fourche sur mon épaule gauche, et qu'ils se disputaient l'un et l'autre. Et comme j'étais convaincu, Dieu sait pourquoi, à l'âge de 7 ans ou 8 ans déjà, que le bien triomphait du mal, eh bien je savais que l'angelot allait finir par terrasser le démon et j'allais m'endormir. Et cette petite autothérapie, Dieu sait d'où elle vient, c'est intéressant tous ces trucs-là. Une espèce d'intuition que j'ai eue que le bien pouvait triompher du mal et que les deux pouvaient se disputer, eh bien ça m'a permis de dormir. Donc ça, c'est vraiment le début. Alors, comme j'habitais à l'époque aux États-Unis, j'ai dévoré tous les contes fantastiques, tous les bouquins les plus extraordinaires sur les contes de terreur, les contes d'horreur. Et Dieu sait qu'il y en a chez les Anglo-Saxons, ils adorent ça. Et ensuite, je suis passé aux vampires, je suis passé aux zombies, je suis passé à la démonologie pendant mon adolescence. Donc tout ça, je me suis nourri de textes un peu zarbi, j'avoue. Et mes parents n'étaient pas très très contents. Je me souviens, ma mère me disait de temps en temps, tu es un diable, enfin, et de manière assez agressive. J'ai l'impression qu'elle me rejetait. Mais donc ça faisait partie de ma culture. Et je l'ai pris, au fond, quand on y réfléchit, je l'ai pris par le mauvais côté, si vous voulez, par le côté sombre, par le côté beaucoup des bains de sang, le côté terrifiant, des cryptes, des êtres complètement épouvantables, mais qui me fascinaient, j'avoue. Il y a très peu de littérature française de ce genre, d'ailleurs, parce que je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans. Et vous avez très peu d'auteurs il y a Barbey d'Aurevilly, par exemple, mais il y a très très peu d'auteurs français qui se sont un petit peu Maupassant, qui sont intéressés à ce genre de sujet, qui évidemment fascine les Anglo-Saxons, qu'ils soient américains, anglais, australiens, etc. Donc j'étais un peu tout d'un coup frustré en arrivant en France. C'est peut-être pour ça que je suis passé à la démonologie, j'ai étudié la sorcellerie. J'ai étudié tous les phénomènes donc du Moyen Âge très insolites. J'ai étudié le golem de Prague, qui était un homme qui avait été fabriqué, enfin une espèce de humanoïde comme Frankenstein, qui avait été fabriqué par un rabbin à Prague au XVIIe siècle. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais tout ça excitait ma curiosité. Je pense que ça préparait un peu ce que j'allais faire plus tard. Ou en tout cas, ça m'a permis de connaître très bien un certain nombre de sujets, disons, dits insolites, paranormaux, etc. Alors, ensuite, je suis passé à une phase suivante. J'ai été encore un peu plus loin. J'ai été m'intéresser à, disons, tout ce qui est transmission de pensée, tout ce qui est psychokinèse, c'est-à-dire l'effet de l'esprit sur la matière. Quand j'avais 25 ans, j'étais jeune marié et je traînais ma femme aux réunions du groupe d'études et de recherches parapsychologiques. Alors là, on était dans les ectoplasmes, dans les médiums, dans un tas de sujets. On y reviendra après, mais vous l'avez rencontré aussi d'une manière un peu particulière. Oui, j'ai eu des expériences personnelles, effectivement, qui ont corroboré un peu les recherches que j'avais faites. Et un peu théorique, en fait, mes recherches, mais c'était pour moi une accumulation de connaissances que mes parents trouvaient un petit peu zarbi, ça c'est clair, que mes frères et sœurs, quand j'y réfléchis, auxquels ils prêtaient pas tellement d'intérêt. Et en tout cas, mais moi, ça me nourrissait, ça m'empêchait pas de lire des romans policiers, de lire même des romans d'amour que j'aimais beaucoup, parce que bon. On a un côté romantique, inévitablement. J'étais pas uniquement versé dans l'occulte, si je puis dire. Mais bon, effectivement, j'ai bien connu le sujet. Et puis, il m'est arrivé, donc je me suis marié, ce qui arrive à pas mal de gens. J'ai eu 4 enfants. J'ai vécu maritalement pendant 25 ans, j'ai essayé d'élever mes enfants, j'ai essayé de travailler sérieusement, j'ai essayé de créer une relation harmonieuse avec mon épouse. Et puis bon, à un moment donné, on s'est un peu tiré dans les pattes de manière très violente. On a eu une crise de couple qui aboutit à un divorce au bout de 25 ans. Mais j'ai passé 25 ans dans une espèce de bulle familiale. Et pendant ce temps-là, j'ai complètement abandonné tous mes centres d'intérêt précédents. Oui, c'est assez étonnant. Et puis quand, après le divorce, quand je me suis retrouvé seul, j'ai repris un chemin que j'avais l'impression d'avoir interrompu pendant 25 ans, le temps d'élever au sens un peu stupide du terme, élever ses enfants, leur apprendre les bonnes manières, comment circuler en société, les valeurs qui nous paraissent importantes, etc. Donc, et j'ai repris mon chemin et je suis reparti. Mais alors à ce moment-là, mon chemin a un peu dévié parce que j'étais très intéressé par l'hindouisme, par toutes les religions anciennes. J'avais déjà pas mal tripatouillé avec le gnosticisme, l'arianisme, le manichéisme, toutes les déviances du christianisme dans les premiers siècles. Ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup intrigué. Je me suis mis à lire des livres de psychologie. J'avais lu, pendant la crise avec mon épouse, j'avais lu beaucoup de livres de gestion du couple, vous savez, il y en a des très bons d'ailleurs, il y a des grands penseurs dans ce domaine qui sont très très intéressants. Mais j'ai repris là, du coup, après le divorce, j'ai repris un peu mon cheminement, avec l'idée tout d'un coup qu'il fallait que j'écrive un livre qui compte. Bon, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais un livre, disons, je voulais qu'il ait deux attributs. D'abord, que mes enfants me comprennent, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de moi dedans, et que ce soit une espèce de, non pas de testament, mais de texte un peu indiscret vis-à-vis d'eux, pour qu'ils sachent de quoi est fait leur père. Et puis l'autre idée, c'était, alors celle-là était plus ambitieuse, c'est d'écrire un livre qui puisse être lu quand je serai plus là. Je me suis dit, il faut que tu écrives quelque chose qui puisse rester, qui ait une durée de vie qui dépasse celle de la plupart des bouquins. Et bon, bah, au bout du bout, c'est finalement ce bouquin, La preuve de l'âme, qui est, je pense qu'il répond à ces deux critères, parce que d'abord, il y a beaucoup de moi dedans, je pense que vous l'avez lu, donc il y a un côté très personnel. J'avoue que je suis pas du genre à me mettre à poil comme ça. Oui. Mais et en même temps, je crois que c'est un livre. Je pense que dans 20 ans, on en saura beaucoup plus sur la relation à l'au-delà. Beaucoup, beaucoup plus. Alors peut-être qu'il sera tout à fait dépassé il y a 20 ans. Mais entre-temps, j'en aurais peut-être écrit d'autres parce que évidemment, je suis encore, même si j'avance en âge, je suis encore la tête qui tourne très, très bien. Et j'ai l'ambition de continuer à écrire sur ce genre de sujet. Parce que je pense qu'on est un. On est à un moment crucial de la vie de l'humanité. Alors, c'est facile de dire ça. Il y a beaucoup de gens qui disent depuis longtemps. J'y ai pas adhéré pendant un certain temps. Maintenant, je suis de plus en plus convaincu qu'il y a tout un faisceau d'informations qui nous parvient notamment de l'au-delà dont nous venons d'ailleurs. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc il y a tout un faisceau d'informations qui nous parvient et manifestement on a envie de nous réveiller pour qu'on fasse pas trop de bêtises. J'ai l'impression qu'on est déjà sur une pente un peu savonneuse au niveau de l'humanité. Donc il y a un besoin de communiquer avec nous sur lequel qui explique tous ces phénomènes comme les NDE, comme les expériences de mort partagée, si vous voulez, au chevet des personnes mourantes, ce qui sont absolument extraordinaires, ces expériences-là, qui expliquent tout ce qui est, je dirais, écriture automatique, qui explique aussi ce que la transcommunication, enfin, toutes ces, et le channeling, c'est-à-dire des choses d'ailleurs que j'ai plus ou moins pratiquées et dont je pense qu'on a l'occasion de parler. Oui, tout à fait. Effectivement, le livre est très dense. Vous évoquez beaucoup, beaucoup de sujets. Et moi, je me demandais, enfin, par rapport à votre enfance, est-ce que vous avez baigné dans la foi catholique ou... Non, je suis protestant, moi, de formation. J'allais à l'église quand j'étais petit. J'adorais curieusement l'histoire religieuse. Ça me passionnait, la vie de Jésus. Je trouvais ça vachement bien. Même Moïse et tout, Isaac, Abraham, enfin, toutes ces grandes figures m'intéressaient curieusement. Je ne m'intéressais pas à l'histoire, mais l'histoire de la religion m'a toujours intéressé. Allez savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis j'aimais les cantiques, moi, à l'église, j'adorais chanter. Et puis alors les cantiques de Noël, les cantiques de Noël aux États-Unis, je peux vous dire que c'est formidable. Donc j'étais vraiment, j'aimais bien aller à l'église ou même aller à l'école du dimanche. Et puis ensuite, quand vous êtes adolescent, eh ben, on se pose des tas de questions, on se dit est-ce que tout ça est vraiment important, est-ce que j'y crois? Et donc on a des énormes doutes finalement. Quand on est protestant, on fait sa première communion, sa confirmation du baptême à 14-15 ans, donc on le fait assez tardivement. Et après, on décroche quand même, puis on s'emmerde un peu au culte, pour être franc. Donc j'ai beaucoup, beaucoup décroché. Et puis, tout ça est revenu progressivement, est revenu curieusement, au moment où j'étais presque sur le point de rompre avec mon ex-femme, qui est catholique, qui n'est pas très pratiquante, mais c'est pas à cause d'elle, c'est que tout d'un coup, c'est revenu. J'avoue que j'aime beaucoup aller à l'église, j'y vais et régulièrement. On n'est pas obligé, les protestants, d'y aller tous les dimanches. Et je crois que l'important, si vous voulez, c'est le message. C'est-à-dire, il faut aller écouter des bons prédicateurs, parce qu'il y en a malheureusement qui ne sont pas des orateurs, c'est pas des tribuns. Alors qu'un bon prédicateur, ben, il vous remue les idées. Donc je trouve que c'est une agitation intellectuelle et spirituelle qui est saine. Et puis encore une fois, j'adore les cantiques. Et j'ai découvert d'ailleurs une chose, c'est que j'adore la pop musique, mais j'aime bien la pop musique plutôt romantique, un peu souple. Hein. Franchement, tout le monde se moque de moi, mes goûts musicaux. J'aime cette musique et je sais pourquoi. C'est parce que des belles chansons d'amour ressemblent à des cantiques protestants, je dis bien. Parce que les catholiques chantent des trucs un peu bizarres à l'église, qui n'ont pas de structure, je dirais, musicale aussi forte que celle des protestants. Souvent, les protestants chantent des chansons de Handel, enfin des musiques de Handel, de Bach. C'est quand même du costaud, si vous voulez, avec des paroles de Clément Marot, vous voyez, un grand poète du XVIe siècle. C'est quand même En sympa. termes de vibration, il y a de quoi s'élever un peu, on peut dire. Enfin... Absolument, absolument, tout à fait. Donc, maintenant, donc une fois, je vais encore irrégulièrement à l'église, mais j'aime bien et puis je choisis un petit peu mes prédicateurs. Voilà. Très bien. Et alors moi, ce qui me frappe, enfin ce qui m'a frappé énormément dans votre livre, c'est que j'ai l'impression que ce livre est vraiment destiné à deux publics. Vous me direz si je me trompe, mais aussi bien les cartésiens, hein, purs et durs, que les êtres un peu plus ouverts à la spiritualité, parce que vous apportez énormément de comment dire, d'informations rationnelles, d'expériences aussi bien psychologiques, sociologiques, scientifiques. Est-ce qu'il y avait une volonté de convaincre ou c'est juste le... Votre question est très importante. En fait, le public, le deuxième public dont vous parlez, qui est plutôt le public d'ici et maintenant, donc je veux dire, c'est un public qu'on connaît et que je connais bien parce que J'adore les librairies ésotériques et tout ça. Je vais traîner, c'est très sympathique. J'ai une, comment on appelle ça, le truc japonais, une fontaine japonaise chez moi, etc. Mais bon, je m'arrête là. Et ce public-là, je crois qu'il va plutôt adhérer à ce que je dis. À la limite, j'ai pas tellement de choses à lui apprendre. Enfin, encore qu'il y a quand même beaucoup d'éléments dans le bouquin. Et c'est vrai que je voudrais convaincre des gens qui sont, disons, qui résistent. Qui résistent. Alors, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui résistent dès que vous parlez de, ah tiens, communication avec un mort. Bon, non, ça y est, je me débranche. Les gens résistent, ils se débranchent automatiquement. Alors, j'essaye, moi, de les attraper par différents bouts. J'ai tout un chapitre sur l'intuition, parce que l'intuition, c'est clairement une information venue d'ailleurs. C'est une information qui s'impose directement. C'est là où j'espère ébranler un peu quelques convictions scientifiques avec ce genre de raisonnement. Si c'est une information qui s'impose d'emblée, d'où vient-elle? Eh bien, on vous répond, les psychologues vous répondent mollement, ça vient de l'inconscient. Moi, je ne pense pas que l'inconscient, ça produise des inventions aussi géniales que celles de Léonard de Vinci. Ça ne peut pas fabriquer une symphonie de Mozart. Tout ça, c'est pas. Et en revanche, l'idée que nous puissions capter des informations à certains moments qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire, je dirais carrément de l'au-delà, me paraît une idée qui tient la route et qui justifie l'intuition. Et je dirais même plus, je prends l'exemple dans mon livre de quelqu'un qui a eu le cerveau coupé en deux, si je puis dire. En fait, son cerveau gauche, celui qui sert à fonctionner dans le monde, celui qui est sans doute le siège de notre ego, celui qui est notre cerveau pratique, notre petite machine a bien fonctionné, eh bien son cerveau gauche a été débranché. Mais son cerveau droit était complètement ouvert. Et cette femme a vécu une expérience unique, parce que c'est un voyage au centre du cerveau de quelqu'un de vivant. En général, on le fait avec des morts. Et avec des morts, ben, il y a plein de trucs qui manquent comme information. Et elle était à la fois dans l'incapacité pratiquement de retrouver le numéro de téléphone de son bureau pour demander du secours. Et quand elle a trouvé le numéro, elle ne pouvait pas articuler des paroles sensées et on a simplement reconnu sa voix, donc on est venu la sauver. Mais en même temps, elle baignait dans un bonheur le plus absolu qui existe. Elle était heureuse, elle s'en fichait et c'était son cerveau droit. Donc nous avons ce lobe droit du cerveau, vous les femmes. Il paraît qu'il est plus développé chez vous que chez nous, les hommes. Eh bien, ce lobe droit est une merveilleuse porte, si je puis dire, d'entrée sur ou de sortie vers l'au-delà et vers ce qu'on appelle en général le surnaturel, les autres espaces. Et je pense que c'est ce qui nous relie au tout. Et nous avons donc cet outil extraordinaire. Et je prends un exemple. Prenez les peuples primitifs, les peuples amazoniens, ou je connais assez bien les aborigènes d'Australie. Ces gens-là, ils ont les mêmes rituels depuis 40 000 ans, dit-on, enfin, ce qui est tout de même assez extraordinaire. Et on voit bien que chez eux, il y avait des hommes médecine, des chamans, etc., qui avaient, à force de taper sur des tambours, et de danser et peut-être de boire des substances plus ou moins hallucinogènes, eh bien, ils se mettaient dans une espèce de contact avec le monde extérieur de manière extraordinaire. Je prends un exemple tout bête. Vous avez une plante qui s'appelle l'ayahuasca, qu'on consomme en Amazonie et qui est réputée ouvrir la conscience, etc. Eh bien, l'ayahuasca est composée de deux plantes de la forêt amazonienne. Eh bien, il y a 80 000 plantes, paraît-il, dans la forêt amazonienne. Eh bien, on demande aux chamans, mais comment vous avez trouvé les deux qui se marient pour faire ça? Ben, ils répondent, c'est la plante qui nous l'a dit. Bon, c'est une métaphore, mais si vous voulez, c'est magnifique, parce que c'est un message que j'ai reçu d'ailleurs. Donc, rien que ce problème de l'intuition dont tout le monde parle, sur lequel on dit pas mal de bêtises, si on admet que si on ne va pas voir dans l'inconscient là où il se trouve, et à mon avis, il ne se trouve pas dans l'inconscient, il y a des intuitions qui sont de nature émotionnelle, qui viennent du cœur, c'est-à-dire de l'âme, et des intuitions qui sont d'ordre intellectuel, qui viennent du cerveau, mais du cerveau branché, du cerveau droit branché sur l'au-delà et sur le tout. Et ben, si vous voulez, ça, c'est fantastique d'imaginer que nous avons cette capacité que tous les êtres humains, parce qu'on en a tous de l'intuition, mais on s'en sert beaucoup moins que les chamans amazoniens, À si vous part voulez. peut-être les grands artistes, vous faites référence Oui, dans votre absolument. livre, justement, par exemple, je pense à Goethe qui reconnaissait avoir écrit des poèmes qui se manifestaient spontanément à lui Spontanément, et qui insistait pour être composés immédiatement, absolument. ou encore Jean-Sébastien Bach qui craignait de se réveiller tardivement de peur de ne pas avoir le temps de noter les compositions qui lui étaient venues dans son Oui. sommeil. Ou encore Pablo Picasso qui dit, la peinture est plus forte que moi, elle me fait faire ce qu'elle veut. Oui, mais c'est des exemples tout à fait, à mon avis, qui illustrent bien ce propos. Je ne l'ai pas mis dans le livre, mais il y a un courrier à la fin de sa vie de Brahms à un de ses amis, parce que ça les embête un peu de dire ça. Ça embête un peu, pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas eux qui ont créé leur musique. Et Brahms, il dit, je reçois mais tellement de notes, tellement d'accords et tellement de compositions, que je peux même pas en retenir le matin quand je me réveille le quart. Donc je veux dire, il est abreuvé. Et alors, pour la petite histoire, mais je n'ai pas mis dans le bouquin, il y a une petite anglaise qui s'appelle Rosemary Brown, qui était très intuitive, qui avait toute sa vie, elle a vu des gens qui apparaissaient au pied de son lit. Et un jour, elle a reçu la visite d'un monsieur qui était en robe de bure et qui s'est présenté comme Franz Liszt. Et parce qu'il a terminé sa vie de manière monacale, Liszt, après avoir une vie de bâton de chaise pendant un certain nombre d'années. Et Liszt est venu lui dire, ben voilà, moi je représente un collectif de grands compositeurs qui voudraient être reconnus, dont on voudrait qu'on puisse reconnaître notre musique de par-delà la mort. Donc on va vous dicter de la musique. Dans mon collectif, il y a Chopin, il y a Beethoven, etc. Il y a plein de gens. Il y a Debussy, il y a Berlioz, etc. Et Rosemary Brown, petite postière anglaise, va écrire de la grande musique et qu'elle va même enregistrer chez Philips, dans les années 70, et qui est en principe qui lui a été apportée par-delà la mort par ces grands compositeurs. Alors, qu'est-ce que les critiques ont pensé de cette musique? Ils ont dit oui, il n'y a pas eu de critique vraiment négative. Il y a des gens qui disent oui, ça ressemblerait plutôt à du Liszt ou à du Berlioz, mais ils ont trouvé que c'était pas très bon. Que finalement, ces grands compositeurs étaient meilleurs de leur vivant que de l'autre côté du rideau. Donc, effectivement, l'intuition est une manière d'aborder le sujet de, disons, de l'immortalité, de la relation au tout, qui me paraît très important. Mais je prends un autre exemple. Étant d'une formation scientifique, forcément, j'ai étudié la mécanique quantique. Alors, ça fait peur à tout le monde dès qu'on utilise ce terme, sauf qu'il est terriblement galvaudé. Le nombre de gens qui se disent médecins quantiques, ça m'énerve parce que je ne vois pas du tout ce que ça vient faire là-dedans, par exemple. Mais le monde quantique, c'est le monde des objets les plus petits qui existent, hein, donc des électrons, les photons, les atomes, etc. Ces objets qui ne sont même pas des objets, que j'appellerais des entités, parce qu'ils ne sont pas localisables précisément comme un objet, ils sont tout le temps en mouvement. Ces entités quantiques, eh bien, elles ont des propriétés incroyables. C'est-à-dire qu'elles peuvent, une même entité peut passer en même temps dans deux fentes. Elle peut traverser les murs et passer plus vite que s'il n'y avait pas de mur. Elles peuvent reboucler sur le temps, c'est-à-dire non pas avancer dans le temps, mais donner l'impression de reculer dans le temps. Et surtout, une fois qu'elles ont été, deux entités quantiques ont été mises ensemble, eh bien, elles sont inséparables et elles arrivent à communiquer, elles donnent l'impression de communiquer, en tout cas, à des distances considérables et à une vitesse supérieure à celle de la lumière, qui est réputée une barrière infranchissable par tout objet doté d'une masse. Eh bien, pour moi, ce qui est fascinant, c'est que vous voyez la table sur laquelle j'ai mes épaules, l'écran qui est devant moi, vous, moi, on est bourré d'entités quantiques. Et en fait, on est bourré d'atomes, et dans ces atomes, eh bien, il se trouve que le noyau de l'atome, par rapport aux électrons qui se baladent autour, eh bien, ce noyau, c'est comme un petit pois au milieu d'un terrain de foot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc il n'y a que du vide. Donc il n'y a que du vide dans notre monde qui est plein. La matière est bourrée de vide. Donc, et dans ce vide, il y a les entités quantiques qui se baladent et qui échangent et qui échangent de l'information. Eh bien, pour moi, la mécanique quantique, c'est de la description des mouvements de ces entités, c'est une preuve que nous vivons dans un monde autre que celui dans lequel nous croyons vivre. Je m'explique. En fait, il y a ce qu'expliquent un certain nombre de gens, notamment qui sont passés de l'autre côté, c'est que nous vivons dans un monde. Il y a quelqu'un, il y a une femme qui s'appelait Betty White qui dit. Nous vivons dans un monde obstrué, et en fait, elle, qui est passée de l'autre côté, qui est morte donc physiquement, eh bien, elle est dans un monde dégagé. Dégagé, pourquoi? Parce qu'un esprit, ça se balade partout, ça n'a pas de sens du temps nécessairement, ça n'a certainement pas de sens des distances, et c'est immatériel. Alors que nous sommes dans un monde obstrué par la matière, par le fait qu'on a un physique, aussi par le temps qui s'écoule, si vous voulez, irrémédiablement. Donc nous, on est dans un monde qui est obstrué. Mais ce monde qui est le nôtre, il fait partie d'un monde beaucoup plus vaste, qui est un monde dégagé. Et encore une fois, pour bien démontrer qu'il en fait partie, la meilleure manière, c'est d'étudier la mécanique quantique. Et pourquoi est-ce que, alors, quand j'ai fait ça m'a paru une découverte, hein, parce que ça, je suis prêt à en discuter avec des spécialistes auxquels je n'ai pas encore été confronté. Mais ce qui m'a apparu aussi, c'est que quand on regarde l'histoire des gens qui ont découvert les mouvements de ces particules élémentaires et leurs déplacements, et qui ont découvert une théorie qui tient la route de manière spectaculaire, hein, elle est très très bien acceptée, eh bien ces gens-là, ils sont tous devenus plus ou moins mystiques. Ils sont devenus taoïstes, hein, qui est devenu bouddhiste, un troisième qui est devenu hindouiste. C'est tout à fait fascinant de voir que ils étaient tellement perturbés par leur découverte que, eh bien, ils sont passés, je dirais, du scientifique au spirituel. Et ça montre qu'il n'y a pas vraiment de séparation, alors qu'on veut nous faire croire le contraire. Et moi, pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation entre les deux. Oui, on peut aussi imaginer que le spirituel serait finalement des lois, un ensemble de lois invisibles dont on n'a pas connaissance, donc du coup empreint d'une forme de rationalité. Ça, je suis absolument de votre avis là-dessus. Je suis convaincu. On vous parle toujours des lois de la nature. Moi, à longueur de bouquin, j'entends parler des lois de la nature. Et les gens qui vous parlent de ça, je ne sais pas de quoi ils parlent. Ils parlent en fait des lois de la physique et de la chimie, en général, qui sont les lois donc qui sont formulées. Ce sont des faits observés qui répondent à des lois mathématiques avérées, reconnues, etc. Donc ça, c'est. Mais moi, je suis, encore une fois, j'ai rien contre ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres lois que celles-là. Et que je dirais, par exemple, la communication entre un être vivant et un mort, qui est une communication qui est totalement reconnue aujourd'hui, enfin reconnue, pas par les scientifiques, justement, Par mais. l'Église, en tout cas, Mais déjà. Bah, non, l'Église, elle fait semblant de l'avoir reconnue, mais elle ne l'a pas vraiment reconnue. C'est ça qui est un peu ambigu. Ce n'est pas très grave non plus. Mais elle fait semblant, parce qu'effectivement, il y a 15 ans, il y a eu un texte important qui a été rédigé pour dire vous pouvez communiquer avec vos morts. Mais ce texte, il n'a pas tout à fait l'imprimatur de Rome, semble-t-il. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais si vous voulez, cette forme de communication, pardon, avec des disparus, elle obéit à des lois mathématiques. Et manifestement, il y a un problème de fréquence, c'est-à-dire que nous avons. Alors, de quelle fréquence parle-t-on? Est-ce que c'est la fréquence du cerveau? Est-ce que c'est la fréquence de la peau? Est-ce que c'est la fréquence générale du corps humain? J'en sais rien. Mais il y a chez l'humain la capacité de recevoir un message d'une fréquence beaucoup plus élevée, parce qu'apparemment les esprits, ils sont immatériels, le problème de fréquence n'est pas du tout le même que le nôtre. Et eux, quand ils communiquent avec l'humain, Eh bien, c'est par, manifestement, c'est par des harmoniques sur le plan musical, c'est-à-dire des multiples d'une fréquence qui est celle sur laquelle ils aju enfin, à laquelle ils s'ajustent. Nous, encore une fois, on est en basse fréquence, eux, ils sont très haute fréquence, et il y a une équation de transformation de leur fréquence à la nôtre. J'en suis absolument convaincu. Alors, le jour où ce genre d'équation sera découvert, le jour où il sera expérimenté, parce qu'on commence toujours par découvrir, ensuite on expérimente, eh bien peut-être là on aura une reconnaissance de la communauté scientifique qui fait défaut aujourd'hui. Et alors vous, comment expliquez-vous le scepticisme de quand même de toutes ces personnes par rapport à des hypothèses qui sont du moins envisageables? Pourquoi il y a un déni ou du moins un rejet aussi fort, à votre avis? Pourquoi est-ce que les gens sont darwiniens? Le darwinisme contemporain, c'est une manière de répondre, vous allez voir, à votre question. Le darwinisme contemporain suppose que l'évolution est le produit de deux effets. Premier effet, mutation génétique aléatoire, c'est-à-dire des mutations dans le gène qui n'ont aucune direction, qui n'ont aucune origine particulière, mais qui se produisent. Et deuxièmement, la sélection naturelle chère à M. Darwin. Darwin, il n'avait pas les mutations. Quand on vous dit ça, on est très soulagé quand on est scientifique. Pourquoi? Parce qu'on dit l'explication de l'évolution, comment on est passé de la bactérie à la baleine, par exemple, ou à l'homme que nous sommes aujourd'hui, eh bien, ça a suivi un chemin très long, avec beaucoup de tâtonnements, etc. Mais on voit bien que ce chemin, il n'a pas besoin d'une raison d'être, il n'a pas besoin d'une source. C'est une espèce de chemin, une mécanique qui s'est faite de manière totalement aléatoire. Eh bien, si vous voulez, la démarche scientifique contemporaine, chez beaucoup de scientifiques, vous trouvez des gens qui ne croient surtout pas qu'il puisse y avoir autre chose que la matière dans laquelle nous vivons. Et donc, qui exclut complètement tout cet univers dégagé dont je parlais, tout l'au-delà, et tout ça, c'est du pipeau. Il n'y a que, et puis on n'a qu'une seule vie, et puis quand on meurt, on retourne en poussière, etc. Ce monde dégagé, pardon, qui est le monde de Platon aussi, Non, non, non? oui, qui est Le monde. assez proche du monde de Platon, mais alors ça, un scientifique, il dira, Platon, le monde des idées de Platon, c'est un truc complètement fumeux. Pourtant, j'ai lu dans votre livre que vous disiez que vous dites que le prix Nobel Werner Heisenberg a affirmé que la physique Heisenberg. contemporaine, Oui. Heisenberg, pardon, a définitivement opté pour Platon. Non, non, mais heureusement qu'il y a des gens comme Heisenberg, si vous voulez. Alors, c'est assez. Je fais une petite aparté, oh, je reviendrai. Mais les gens comme Heisenberg, c'est les mathématiciens. Les mathématiciens sont convaincus, la plupart du temps, mais ils n'aiment pas en parler parce qu'ils ne veulent pas passer pour des non-rationalistes. Comme la pensée aujourd'hui est devenue rationnelle. Comme, par exemple, la psychologie. La psychologie, ça devrait être l'étude de l'âme. Hein, en termes, au sens propre du terme. Eh bien, la psychologie, c'est l'étude disons, de ce que nous inspire notre cerveau. Et les psychologues, ils disent, nous, de toute façon, on ne s'intéresse pas à l'âme parce qu'on n'a pas appris à l'école ce que c'était et qu'on considère que ça n'existe pas. Donc, c'est parce que l'âme, ça vous renvoie à la spiritualité, ça vous renvoie à la possibilité qu'il existe un monde dégagé, dégagé des contraintes matérielles et. Beaucoup de scientifiques, en particulier dans notre beau pays de France, eh bien, ne veulent pas entendre parler de tout ça. Ils s'accrochent à la vision d'un monde matériel et matérialiste et obéissant aux lois de la nature, telles que j'en parlais il y a quelques instants, c'est-à-dire des lois de la physique et de la chimie. Et l'idée pour eux qu'ils puissent avoir autre chose remettrait en question toute leur vision du monde. Donc, c'est normal qu'ils soient encore un peu attachés à leur vision que moi je trouve dépassée, personnellement, évidemment. Et si je parle de Darwin, c'est que Darwin a définitivement rassuré les scientifiques athées. Parce qu'il a dit, il n'y a pas besoin de Dieu pour fabriquer l'évolution. Ce n'est pas Dieu qui a fait les petits oiseaux, qui a fait ensuite les papillons et tout ça. Non, il n'y a pas. La main de Dieu n'est pas passée par là. Donc, toute la démarche scientifique contemporaine, surtout dans des pays comme le nôtre, eh bien, nie complètement tous ces phénomènes. Alors, je vais prendre un exemple là où elle est quand même coincée, parce que moi, j'ai envie de, évidemment, la confronter. Je vais en prendre deux. Quand les gens font des expériences de mort imminente, ce qu'on appelle les NDE en termes américains, eh bien, les near-death experience, quand ils font ce genre d'expérience, eh bien, la plupart du temps, ils rencontrent des personnes. Ils rencontrent des gens qui sont toujours morts. Ils ne rencontrent pas de leurs voisins de palier, leurs concierges, leurs chiens, etc., des vivants. Comment ça se fait? Comment se fait-il qu'ils ne rencontrent que des morts? Eh bien, si ils étaient victimes d'une hallucination, quelle qu'en soit la source, il n'y a aucune raison qu'ils voient uniquement des morts. Donc ça, pour moi, c'est un défi à ceux qui ne croient pas à ce genre d'expérience. Mais je prends un autre type d'expérience, que celui qui a inventé les NDE, qui est M. Raymond Moody, il a aussi inventé les SDE. Les SDE en anglais, c'est Shared Death Experience, c'est-à-dire expérience de mort partagée. Ils sont des expériences qui ont lieu dans des salles d'hôpital, très souvent au chevet de mourants. Eh bien, il y a quantité de gens qui, à cette occasion-là, ont vu des lumières magnifiques, ont vu de la mu ont entendu de la musique, ont vu arriver des gens au chevet du mourant, des parents, pour venir le chercher. Et ça, ce sont des gens qui sont totalement, qui sont comme vous et moi en ce moment dans ce studio, ils sont complètement sains de corps et d'esprit, ils n'ont absolument aucun problème et ils n'ont pas bu, vous voyez ce que je veux dire? Et ça arrive que que l'infirmière ouvre la porte et tout d'un coup, waouh, il y a cette magnifique lumière qui l'éblouit. Donc ce genre d'expérience-là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est en train de consigner plein d'expériences qui ont peut-être existé depuis assez longtemps, mais qui n'avaient pas été, disons, on ne les a pas étudiées statistiquement. Maintenant, il y a des tas de gens qui compilent des statistiques et le nombre d'expériences typiquement de mort imminente, qu'elles soient partagées ou pas partagées, augmente tout le temps. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a plein de fous qui racontent plein de conneries, etc. Oui, puis il y a le phénomène de l'hypoxie aussi, vous en Alors, parlez oui, de dans... l'hypoxie, qui peut, la non-irrigation du cerveau en sang peut provoquer des hallucinations, mais c'est toujours la même chose. Mais pourquoi vous voyez que des morts? C'est quand même bizarre, ça. Non, non, y a vraiment là, à mon avis, un argument qui est complètement, qui est en tout cas perturbateur. De même que quand je parle de l'intuition, je reviens sur le sujet, comment expliquer que des gens, et Léonard de Vinci est un bon prototype, aient imaginé des armes, des fusils, des chars d'assaut, comme d'ailleurs Jules Verne a imaginé des sous-marins, à une époque où tout ça était impossible, était inconcevable. Je veux dire, d'où ça vient? Comment est-ce que leur intuition leur a permis de concevoir des choses qui n'existeraient que des siècles plus tard, ou peut-être des dizaines d'années plus tard. Eh bien, pour moi, c'est une information qu'ils ont reçue d'ailleurs, si c'est évident, parce que je pense que le monde dégagé dont nous faisons partie, mais nous, on est dans un monde physique qui est un monde plus contraint, eh bien, je pense que dans le monde dégagé, on est en avance sur nous, c'est-à-dire que la communication avec l'au-delà doit nous apporter des réponses à des tas de questions. Et ça rejoint les mathématiciens et M. Heisenberg, qui disait, il y a un monde idéal, hein, je dis bien pas idéal, mais idéal, que Platon appelait le monde des idées ou le monde des formes, et un mathématicien avouera en général que quand il a découvert, enfin une grande découverte, eh bien c'est parce que il avait été pioché, il avait récupéré un savoir qui existait déjà. Donc c'est pour ça, bon, le côté sympathique des mathématiciens, c'est qu'ils ont un côté un peu rêveur, spirituel, mais encore une fois, ils n'en parlent jamais. Et moi, j'ai mis un peu les pieds dans le plat dans mon bouquin sur ce sujet, parce que je sais qu'ils disent pas, ils n'osent pas dire tout ce qu'ils pensent. Oui, puis vous parlez aussi beaucoup de Platon, qui était mathématicien pour le coup, puisque tous les philosophes de la Grèce antique exerçaient pendant des années C'est vrai. les sciences dures, qui parle dans son Mais livre. enfin, qui était naissante, hein, qui était naissante à son époque. Oui. Allez, dis-moi. Non, qui je faisais référence à son livre La République, que vous évoquez aussi, notamment à ce passage de l'allégorie de la caverne qu'on connaît bien, qui est populaire, où effectivement on serait en quelque sorte coupé de la réalité. Finalement, nous n'aurions pas accès à cette conscience universelle. Oui, c'est un très joli, c'est disons une image, une métaphore superbe, cette allégorie de la caverne où effectivement les hommes sont comme des gens assis qui regardent le mur, éclairés par le soleil, et tout ce qu'ils voient, c'est les ombres sur le mur. Ils ne voient pas la réalité des faits parce qu'ils ne tournent pas leur regard vers le soleil. Et je pense que c'est très joli comme image, et je pense que Platon a tout à fait raison là-dessus. Et alors, lui, il dit il n'y a que quelques personnes qui peuvent, les philosophes notamment, accéder à ce savoir. Parce que à son époque, eh bien, c'est très intéressant quand on y réfléchit. À son époque, tout ce qui était le plus important était caché. Ça nous ramène à Prométhée qui va voler le feu des dieux pour l'apporter aux hommes. Aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est qu'il y a plein d'expériences qui ne sont pas cachées, justement, qui sont publiques, qui sont visibles, qui sont à la portée de tout un chacun. Et il m'est arrivé, par exemple, pas plus tard qu'il y a 2 jours, de déjeuner avec une amie qui, ayant lu mon bouquin, me dit, mais tu sais, moi j'ai déjà fait 2 fois des sorties de corps quand j'étais opéré, je me rappelais très bien ce que les médecins me disaient, etc., pendant l'opération. Et j'ai trouvé ça touchant parce qu'elle m'a dit, mais surtout tu n'en parles pas. Et c'est une astrologue en plus, donc elle pourrait être très ouverte vis-à-vis de ce genre de phénomène. Ben, finalement, il y a des pudeurs encore qui font que les expériences des uns et des autres, eh bien, ne sont pas rendues publiques. C'est regrettable parce que même s'il y a des gens qui trichent, et il y en a, même s'il y a des gens qui racontent n'importe quoi, et il y en a, et les guérisseurs, Oui, justement, il y a quand qui... même toute la vague du New Age. Les gens, effectivement, sont aussi en manque de sens. Voilà, donc les prédicateurs peu tordus, je veux dire, ces faux gourous, je les nommerai pas, mais j'en connais un certain nombre. Et c'est là où j'essaye, moi, de garder les pieds sur terre, si vous voulez, en tant que formation scientifique. Quand on me raconte les liaisons souterraines entre certaines montagnes américaines et puis le lac Titicaca, etc., parce qu'il y avait des populations qui vivaient autrefois dans une autre civilisation sous la Terre. Je trouve ça intéressant. Je trouve que ça mérite peut-être qu'on l'explore un peu, mais je n'achète pas ce genre de vision. Je ne l'achète pas d'emblée. Je trouve qu'il faut quand même un peu soumettre nos découvertes. Et peut-être c'est parce que j'ai beaucoup, beaucoup lu sur des tas de trucs tordus. C'est peut-être pour ça que j'ai peut-être une capacité de détachement, si vous voulez, et je l'espère, de discernement. Est-ce que le fait d'avoir lu ces ouvrages, à un moment donné, vous avez dit, mais est-ce qu'il y a eu une forme d'évidence en vous qui pourrait être reliée justement à cette connaissance que l'on a tous au fond de nous? Oui, je dirais que moi, si vous voulez, par exemple, vous aviez une revue ou un magazine qui avait beaucoup de succès à une époque où vous n'étiez pas encore né, qui s'appelait Planète. Et Planète, ça avait été lancé par Louis Poels et Jacques Bergier. Et d'ailleurs, Louis Poels, c'est un type assez fascinant qui a très longtemps dirigé le Figmag. D'ailleurs, à une époque, c'était un magazine extraordinaire. Et Poels, c'était un chercheur, si je puis dire, de l'absolu, chercheur de l'inconnu. Et ils avaient cette revue fantastique où ils parlaient du continent mu, des Les Lémuriens, de Atlantides. l'Atlantide, à profusion. Et j'avais à l'époque, quand je disais ça, je devais avoir entre, disons, 18 et 25 ans. Et j'avais envie d'acheter tout ce qu'ils racontaient. À l'époque, j'étais une certaine naïveté. Mais j'essayais d'être ouvert, quoi. Et je trouve ça formidable. Et puis Poels, curieusement, il est arrivé un phénomène extraordinaire. Il est devenu chrétien par une espèce de extase, il a eu une révélation, mais il a gardé le côté toujours recherche de son magazine, du Figmag. Et donc, bon, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Mais pour revenir donc à toute cette littérature-là, oui, cette littérature, moi, m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Tout ce qui peut valider l'idée qu'il y aurait des civilisations avant celle qui est née, grosso modo, aujourd'hui, il y a 10 000 ans, et dans laquelle nous vivons. Ce qui est très bizarre, par exemple, comment se fait-il que disons, Homo sapiens sapiens, dont nous, que nous représentons, qui est le même depuis, disons, au début on disait 100 000, maintenant on est passé à 150 000, on est même passé à 200 000 ans. Comment se fait-il que cet Homo sapiens, il ait mis 190 ans, 190 000 ans, à cultiver la terre, à devenir agriculteur, etc. Comment se fait-il qu'avec notre capacité cérébrale, qui est la même depuis 200 000 ans, semble-t-il, eh bien, on est attendu 190 000 ans, c'est-à-dire il y a uniquement 10 000 ans, hein, vous voyez, pour sortir du chasseur-cueilleur. C'est vachement bizarre. C'est même, pour moi, c'est incompréhensible. Alors, je n'en ai jamais parlé avec M. Coppens et tout ça, ces grands paléontologues, mais pour moi, il y a un mystère là. Alors, ce mystère pourrait s'expliquer de la manière suivante, c'est qu'il y aurait eu des civilisations avant, mais qu'elles auraient disparu, et qu'on a eu un cycle de retour, si vous voulez, à l'homme primitif. Il y a eu plusieurs fois ce cycle, et qu'il y a peut-être eu des civilisations, il y a... Alors, il paraît que... Alors, on dit que l'Atlantide, c'était 400 000 ans, alors, donc c'est même... Ça nous ramène au-delà de l'Homo sapiens, vous voyez, donc ça me paraît fou. Mais je pense que l'idée qu'il ait pu y avoir une cyclicité dans disons, la relation de l'homme à la Terre et dans notre parcours, eh bien, elle n'est peut-être pas totalement dénouée de fondement. L'ennui, c'est que on a beaucoup de mal à trouver la moindre trace de tout ça. Voilà. Oui, puis ça peut aussi faire écho à la réincarnation aussi, ce mouvement incessant de renaissance, finalement, Ouais. d'expériences plus ou moins similaires. Vous Ouais. croyez en la réincarnation? Oui, moi je crois, si vous voulez, à partir du moment, vous avez deux, en fait ça c'est un peu technique, mais c'est très important. Vous avez la vision de l'âme de Aristote et celle de Platon. Elles sont très différentes. La vision d'Aristote, c'est que l'âme est la forme dans laquelle le corps se coule, c'est-à-dire c'est le moule dans lequel la cire du corps se coule. Donc c'est très important parce que ça détermine, la forme détermine la fonction, et quand on meurt, la forme disparaît, la cire aussi, et l'âme donc disparaît. Platon avait une vision très différente parce qu'il disait que l'âme avait vu l'être, c'est-à-dire qu'elle avait vu Dieu, si je puis dire, ou en tout cas, elle venait de la source. Donc, pour Platon, une âme devenait un corps, donc s'incarnait. À partir du moment où l'âme précède le corps, eh bien, elle peut très bien passer d'un corps à un autre. Alors que pour Aristote, ben, une fois qu'on est mort, c'est fini. Le christianisme a repris, après beaucoup de tâtonnements, grâce à M. Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, a repris la vision d'Aristote de l'âme. C'est-à-dire que l'âme est liée au corps et de manière absolument définitive. Simplement, le christianisme voulait prouver que l'âme était immortelle aussi. Et qu'il y avait, pendant un bout de temps, eh ben, un bout de temps jusqu'au jugement dernier, elle allait être séparée du corps. Mais ça tient pas bien la distance parce que Thomas d'Aquin et personne d'autre n'a ré réussi à expliquer que devient l'âme pendant cette période, pendant cet intérim, si je puis dire, avant de retrouver son corps. Alors, Thomas d'Aquin a inventé tout un tas de trucs assez fumeux, pour être honnête. En plus, déjà, ce qu'il écrit n'est pas clair à facile à comprendre, sur l'âme lorsqu'elle n'est plus liée au corps. Et pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? C'est parce que tout le monde voulait éviter la vision de Platon, parce que la vision de Platon présupposait que l'on puisse revenir. Vous voyez, l'âme, si elle est là avant, elle rentre dans un corps, le corps disparaît, elle rentre dans un autre corps. Donc vous avez le cycle des vies, vous avez la réincarnation, vous avez la migration des âmes. C'est c'est le nom qu'on utilisait au début de l'ère chrétienne, dans les premières années. Et vous avez un très grand penseur du troisième siècle, Origène, qui lui se posait la question du mal. Il disait, comment se fait-il que l'on naisse aveugle? Est-ce que ce ne serait-ce pas que l'on ait commis une faute dans la vie précédente qui fait qu'on paye dans cette vie les fautes de la vie précédente? C'est une démarche, c'est marrant, parce qu'Origène, à mon avis, ne connaissait pas du tout les hindouistes de l'autre côté. À l'époque, Alexandrie, bon, peut-être que oui, mais c'est pas sûr, rien ne nous le prouve. Et c'était une vision qui était très proche de la vision hindouiste de la migration des âmes. Et comme Origène s'est fait blackbouler au 5e, au 6e siècle, et que ces textes ont été interdits, on n'a pas excommunié, mais on a décidé que, en tout cas, sa vision des choses n'était pas bonne, eh bien, on a abandonné Platon et on a préféré Aristote. Mais Aristote, ça tient pas bien la distance. Donc moi, je suis évidemment beaucoup plus proche de la vision platonicienne de l'âme. Donc j'admets très bien l'idée des incarnations successives. Et pourquoi est-ce qu'on s'incarne? On s'incarne pour payer une dette, pour solder une dette. On s'incarne pour apprendre davantage, pour s'améliorer, pour se perfectionner. Parce qu'à l'origine, et là je rejoins Platon, si on est issu de la source, Platon il disait son monde des idées, qui est un peu la source, c'était le beau, le bon, le vrai. Et eh bien, si vous voulez, ça veut dire que c'est un monde, je dirais, qui est parfait. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'un peu parfait en nous, qui est notre âme, qui est un petit bout de perfection, et qui vient dans le monde pour justement se perfectionner encore davantage, parce que le monde physique est un terrain, je dirais, d'apprentissage, c'est une école. Nous, on est là pour aller à l'école, vous voyez. On ne croit pas, mais je pense que c'est ça. Mais ceci dit, si vous me demandez qu'est-ce que je pense, moi, de mes vies antérieures, très honnêtement, je m'en fiche. Je veux dire, on m'en a décrit un certain nombre, etc. Mais ça ne m'intéresse pas parce que je n'arrive pas à bien recoller ce que ont été les personnages que j'aurais été dans d'autres vies par rapport à ce que je suis dans cette vie-ci. Donc je ne ça m'importe rien. Donc je veux dire, à la limite, savoir que j'en ai eu, très bien. Savoir qu'on peut ne pas en avoir aussi, ça me paraît très bien. Vous savez, Platon pensait que les vies on revenait au bout de 1000 ans. Donc c'est pas. Alors que d'autres gens vous On a disent le qu'on temps de revient. se reposer entre-temps, parce que c'est quand même une dure école hein, par moment, la vie. Mais c'est vrai que cette vision de la réincarnation peut aussi paraître plus en adéquation avec la vision d'un Dieu juste et aimant, doté d'un amour inconditionnel envers ses enfants. Tout à fait, qui nous laisse. C'est ce que je pensais quand j'étais adolescent, parce que j'avais un pasteur que j'aimais beaucoup, qui nous disait. Vous savez, il faut imaginer l'enfer de la manière suivante. Jésus, quand il est sur la croix, il s'est collé en enfer, il a fermé la porte à clé et il a jeté la clé. C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour vous en enfer. Je trouvais ça assez joli, mais quand vous avez 15 ans et tout, et que vous avez des pulsions sexuelles qui vous dérangent, qui vous perturbent, et parfois on peut dire que c'est pas bon, vos parents sont plutôt. Surtout à l'époque, aujourd'hui on est vachement plus ouvert, eh bien, vous pouvez vous dire, tout ça, j'y crois pas, moi je suis quelqu'un, je vois pas comment je vais être sauvé et tout ça. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'il avait raison, si vous voulez, c'est que. Et c'est totalement cohérent avec même tout ce qu'on dit sur racheter les péchés de l'humanité. Moi, bon, les péchés, je suis un petit peu dubitatif sur cette théorie-là. Mais je pense que moi qui suis chrétien, je pense que le personnage Jésus, Jésus fils de Dieu, Dieu lui-même, est venu nous montrer la voie de la résurrection, en fait. C'est-à-dire qu'on ressuscite, c'est-à-dire qu'on ne meurt pas. C'est pour ça que quand le sous-titre de mon bouquin, c'est un peu technicien, démontre notre immortalité, c'est pas moi qui l'ai mis, hein, c'est mon éditeur. Bon, ça fait un peu prétentieux. Mais l'immortalité, évidemment, ça rejoint l'histoire de Platon, c'est que si l'âme est là avant le corps, bien entendu, elle est là définitivement, et elle passe d'un corps à un autre, et elle a un caractère immortel. Et je pense que ça, c'est le message du Christ pour les chrétiens, c'est nous sommes immortels. Et j'ajouterais, il n'y a pas de jugement dernier, parce que le jugement dernier me paraît un truc qu'on a inventé pour faire tenir les gens tranquilles. Après, on peut aussi se poser la question de notre identité. On parle de l'âme. Qui sommes-nous finalement Ah ben, dans... ah oui, ben ça c'est une bonne question. Alors on est, d'ailleurs, j'ai tout un chapitre là-dessus. Là encore une fois, les rationalistes vous disent on est un compromis entre notre inné et notre acquis, c'est-à-dire entre notre génétique et notre et la culture, notre environnement. Et il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est typiquement une démarche scientifique qui exclut qu'il puisse y avoir autre chose. Et c'est quand même formidable parce que exclure autre chose alors qu'on se réfère à la génétique. Alors, la génétique, c'est relativement précis. C'est biologique, c'est scientifique. On sait comment on sait étudier un brin d'ADN. Mais la culture, l'environnement, c'est complètement flou. C'est de la science molle. À dire que nous ne sommes que ça, c'est vachement réducteur. Alors j'ai essayé de démontrer que il y a un certain nombre de gens, notamment des gens que je connais, et notamment, que je ne connais pas ceux-là, mais il y a deux sœurs siamoises américaines extraordinaires qui ont deux. Elles sont. Le corps est donc collé, elles ont un corps commun avec deux têtes, avec deux cœurs, avec deux bras, non pas quatre. Et à partir du bassin, c'est un seul corps, donc le système reproductif, il n'y en a qu'un, il y a deux jambes, etc. Et alors, c'est un être à deux têtes. Eh bien, les deux jeunes filles, qui s'appellent Britt et Amy, elles sont complètement différentes l'une de l'autre, alors que leur génétique est 100% la même, puisque c'est le même corps même. Et que leur culture est forcément la même parce qu'elles sont élevées de la même manière. Il y en a une qui est bonne en maths, l'autre qui est bonne en français, enfin en anglais. Il y en a une qui picore et l'autre qui dévore. Il y en a une qui est plutôt, disons, réservée et l'autre qui est très extravertie. C'est extraordinaire. Et voilà. Et alors, ce qu'elles ont de différent, évidemment, c'est le cœur, pardon, elles ont chacun un cœur. Et ma conviction, c'est que le siège de l'âme est dans le cœur. Donc, j'ai trouvé cet exemple très intéressant parce que, encore une fois, c'est un défi au débat inné acquis. Voilà. Tout à fait, puis on pourra revenir dans quelques instants sur les transplantations d'organes aussi. Vous en parlez dans votre livre et c'est assez intéressant pour justement faire écho à ce que vous dites. Je vous propose une petite pause musicale et puis on se retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour avec François de Witte, qui a écrit ce livre La preuve par l'âme, quand un polytechnicien démontre notre immortalité. Je rappelle que François de Witte, pour les auditeurs qui nous rejoignent, est un ancien élève de l'école polytechnique, diplômé de Sciences Po. Vous avez enquêté sur le monde économique et financier pendant 18 ans à l'expansion, avant de diriger successivement la vie française. Challenge et mieux vivre votre argent. Et vous avez été aussi également journaliste et chroniqueur radio pendant plus de 20 ans. Merci, c'est ça. Donc j'étais beaucoup dans la matière, même si l'argent est immatériel, j'étais beaucoup dans le monde de la matière et j'ai consacré beaucoup d'énergie à essayer d'expliquer aux gens ce qu'il fallait faire de leur argent d'ailleurs. J'ai même fait ça sur le plan social parce que j'ai été président d'une association qui s'appelle Finansol, qui s'occupe d'épargne solidaire et je voudrais que les Français s'intéressent davantage qu'ils ne le font à des causes donc solidaires qui peuvent être financées par leur argent de manière tout à fait naturelle, normale et sympathique, avec des rendements qui ne sont pas les mêmes que la finance classique. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui à l'antenne. Oui, effectivement, nous parlons de l'âme et nous évoquions avant cette pause musicale le cœur pour vous qui est le siège de l'âme, hein, qui ne se situe pas enfin, dans le cerveau hein, pour les cartésiens purs qui Absolument. pensent que tout est déterminé par cet organe. Il y a aussi une référence, enfin, des expériences que vous évoquez dans votre livre très intéressantes sur les transplantations d'organes. Qui, Cardiaque, que, cardiaque. oui, au niveau du cœur, effectivement, qui montre clairement que lors d'une transplantation de l'organe cœur chez un autre être humain, il s'ensuit une modification du comportement assez Absolument. étonnante. Oui, ça c'est. Comme je voulais essayer de valider l'idée selon laquelle l'âme a son siège dans le cœur, idée qui est très largement véhiculée par notamment d'ailleurs les hindouistes et notamment par un très grand penseur qui s'appelle Sri Aurobindo, qui est très très connu. Et dans le chakra du cœur, d'ailleurs, le chakra du cœur, ça c'est, il faudrait faire toute la théorie des chakras, mais il y en a sept, comme on sait, et il y a trois chakras de terre, trois chakras, je dirais, d'esprit, et puis au milieu, il y a le chakra du cœur qui est qui fait un peu le pont entre ces chakras. Bon, alors quand j'ai attaqué mon chapitre de mon bouquin sur le cœur, je ne savais pas très bien où j'allais, mais je voulais essayer de voir si quelque chose pouvait nous prouver que le cœur était plus qu'une pompe, parce que ça, c'est typiquement la vision rationaliste, le cœur est juste une pompe à régénérer le sang, à le faire circuler de manière purifiée, si je puis dire, à travers notre système veineux artériel. Eh bien, j'ai découvert effectivement des choses tout à fait surprenantes sur la fonction du cœur. Et il y a un exemple en France qui a été, qu'on connaît un peu, celui de Charlotte Valandré. Charlotte Valandré, qui est actrice et qui a un cœur fragile, on lui transplante le cœur de quelqu'un d'autre. Et curieusement, elle va se découvrir un appétit pour le vin et pour les tartes au citron, si je me souviens bien, qu'elle n'avait jamais avant. Mais surtout, elle va rencontrer quelqu'un qui vient la voir tous les soirs au théâtre, dont elle va tomber amoureuse et dont elle va découvrir, en fouillant un peu dans ses papiers, disons, il vivait avec une femme qui était morte la veille de sa transplantation. Puis elle va même retrouver la trace disons, de cette opération, et elle va découvrir qu'elle a le cœur de cette femme qui était donc le grand amour de son Ivan, il s'appelait Ivan. Et tout ça est tout de même assez troublant. Alors, en France, on ne parle pas beaucoup de ces sujets-là, et je pense que Charlotte Valandré n'a pas été reconnue par beaucoup de gens comme, disons, une expérience, disons, insolite, démontrant que le cœur est plus qu'une pompe. Pour moi, le cœur est le siège de nos émotions. C'est d'ailleurs tellement évident que l'émotion, on l'associe en général au cœur. Les scientifiques contemporains veulent nous expliquer que l'émotion est située dans une certaine partie du cerveau et que c'est le cerveau qui envoie les messages de ce type qui nous suscite la peur, la colère, peut-être la joie aussi. Et donc l'affaire est réglée. Ben, elle n'est pas réglée. Et justement, il y a énormément d'expériences qui ont été conduites aux États-Unis, et notamment par un très grand cardiologue, un cardiologue dont j'ai lu un livre magnifique qui s'appelle Paul Persal, et qui lui-même est convaincu qu'il a reçu des messages de son cœur au moment où il s'est découvert un cancer, et que son cœur lui disait: fais attention, tu es pas bien, tu es malade, alors que la plupart des gens pensaient qu'il était en bonne santé. Et Persal est allé enquêter sur des transplantations cardiaques multiples et variées. Et il a découvert que des choses tout à fait étonnantes, et notamment une femme américaine qui, dans ses rêves, elle a rêvé par exemple qu'elle embrassait un jeune homme dont les initiales étaient TL, et qu'elle l'embrassait au point de l'absorber. Et en fait, elle s'est découverte, elle, pour le coup, elle aimait les manchons de poulet de McDo, elle aimait tout d'un coup la moto, elle buvait de la bière, alors que ce n'était pas du tout dans ses habitudes précédentes. Et elle a retrouvé, elle, toute seule, si je puis dire, son donneur. Et elle a vu qu'elle avait des propriétés, le cœur nouveau qui lui était transplanté lui apportait autre chose que ce qu'elle était avant. Et au fond, quand on réfléchit à ça, si le cœur effectivement est le siège de l'âme, eh ben, elle avait plus ou moins ramassé, si je puis dire, en tout cas une partie de l'âme du donneur. Et aujourd'hui, on est très discret sur les donneurs. Vous savez, en principe, la bioéthique nous interdit de savoir qui est le donneur. Eh bien, je pense que les gens gagneraient à être mieux informés. Il y a une histoire d'une jeune fille américaine qui s'était fait transplanter le cœur d'un enfant, et elle a vu en rêve, cet enfant avait été assassiné. Et en rêve, elle a retrouvé la scène de l'assassinat, elle a vu l'assassin, elle l'a reconnu auprès de la police, et l'assassin a été confronté, et il a reconnu son crime. Donc là, on a affaire à une expérience quand même tout à fait insolite, mais en tout cas, pour moi, c'est une démonstration que le cœur a une fonction beaucoup plus éminente qu'on l'imagine et qui n'est pas simplement un organe à régénérer le sang. Donc, c'est de l'eau à mon moulin. Et je dirais que quand vous étudiez notamment le fameux Aurobindo dont je parlais, eh bien, Aurobindo vous dit l'âme est un, j'aime beaucoup son expression, est un gouvernant constitutionnel, si je puis dire, un roi constitutionnel, c'est-à-dire comme un peu comme la reine d'Angleterre. Il règne, mais l'âme, elle règne, mais elle ne gouverne pas. C'est-à-dire qu'elle laisse nos sens, elle laisse notre énergie vitale, notre mental, disons, prendre le pouvoir. Elle ne s'impose pas, mais elle est toujours là, si je puis dire, pour nous accompagner et pour ouvrir, pour nous ouvrir, en fait, au monde dégagé, au monde, disons, cosmique dont nous faisons partie. Et c'est parce qu'elle-même, elle en fait partie. Et ça rejoint, si vous voulez, la vision de Platon, d'une âme immortelle qui vient s'incorporer, c'est tout bête, mais qui a une capacité à nous ouvrir sur le tout, si je puis dire, qui est tout à fait formidable. Et ça passe par le cœur et non pas par le cerveau. Et ça, je crois que c'est un message très important et plutôt réjouissant, parce qu'encore une fois, dans l'imagerie populaire, le cœur a une fonction, notamment de vecteur des émotions, qui est tout à fait importante. Et que certains psychologues, d'ailleurs, il y avait un grand psychologue américain de la fin du 19e siècle qui s'appelait William James et qui était convaincu que les messages, disons, notamment d'émotions, étaient d'abord reçus par les organes, et notamment par le cœur, et ensuite envoyés au cerveau, et ensuite renvoyés au cœur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un institut américain qui s'appelle l'Institut de Heart Math, c'est-à-dire la mathématique du cœur, pour moi, ça me plaît bien comme définition, qui fait des expériences de ce type, qui est convaincu que la régulation du cœur est un moyen aussi de réguler notre vie de manière beaucoup plus harmonieuse. Et dans cet institut, ils ont fait des expériences tout à fait passionnantes où ils ont soumis à des gens bardés d'électroencéphalogrammes, électrocardiogrammes. Ils leur ont soumis des images très émotionnelles, enfin, pouvant véhiculer des émotions très puissantes. Et ils ont constaté que sur le plan de la réaction des différents outils qu'ils avaient, le cœur réagissait d'abord, et effectivement, il envoyait un message au cerveau qui traitait l'information, si je puis dire, et qui retournait au cœur. Donc on voit bien que aujourd'hui, en tout cas pour le moment, c'est encore des études scientifiques assez marginales, mais il semblerait bien que le cœur joue un rôle beaucoup plus important que tout ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à présent. Ce qui veut dire d'ailleurs, soit dit en passant, que quand on vous dote d'un cœur en plastique, même si c'est un plastique formidable et qui est biocompatible, comme on dit, eh bien, vous avez perdu un petit peu, peut-être vous avez perdu un peu votre âme là-dedans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas innocent, c'est pas une opération qui puisse être conduite de manière banale. Je pense qu'il y a vraiment des questions aujourd'hui à se poser sur ce sujet-là qui mérite en tout cas notre attention. Et vous faites référence aussi dans votre livre au concept du petit cerveau du cœur qui a été énoncé par un neurocardiologue qui s'appelle John Andrew Armour, qui est canadien et qui dit nos cœurs possèdent de nombreux neurones, des hormones et émettent des neurotransmetteurs. Ah voilà, parce que les neurones, c'est la clé. Parce que comme vous le savez, il y a des centaines de millions de neurones dans notre cerveau et tout ce qui est neurologique, toutes ces recherches-là consistent à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, en plus, je veux dire, pour trouver comment ça fonctionne, c'est pas de la tarte, parce qu'en fait, chaque neurone est relié à des dizaines de milliers, ou au moins une dizaine de milliers d'autres neurones, et savoir comment y transmettre des signaux électriques. On connaît le principe, mais on ne connaît pas bien, si vous voulez, dans cette forêt incroyable de neurones, eh bien, on ne trouve pas nécessairement les arbres. C'est ça le problème. Donc, cette recherche aujourd'hui d'aller au-delà de ce phénomène, de dire qu'il y a des neurones dans le cœur, donc il peut avoir, disons, une autonomie par rapport au cerveau, je pense que c'est quelque chose sur lequel on est en train d'avancer et qu'on pourra démontrer de manière tout à fait rigoureuse Assez rapidement. Alors, il y a aussi le, vous savez, le tube digestif qui a une autonomie, qui a plein de neurones et tout. Et on a découvert ce que les Américains appellent le gut, c'est-à-dire intestin, le cerveau des intestins aussi, qui joue un rôle parce qu'il y a une autonomie de notre tube digestif par rapport à notre cerveau. Donc tout ça, je trouve très, très intéressant. Moi, je m'occupe surtout de l'autonomie du cœur dans mon livre, mais l'autonomie de tube digestif est aussi scientifiquement d'abord prouvée, là je dirais, il n'y a pas encore énormément d'expérience, mais en tout cas en voie d'être prouvée. Et tout ça, évidemment, réduit la fonction éminente qui est accordée le plus souvent au cerveau. Donc c'est quelque chose qui est parfaitement. Moi, ce genre d'études me paraît assez passionnante et susceptible de beaucoup de nous enrichir, en tout cas, et dans notre vision de notre rapport au tout. Oui, donc finalement, on ne serait pas qu'un paquet de neurones. On peut Voilà. prendre aussi cette référence que vous citez de Christian Barnard, qui était un roi de la grève du cœur et qui a terminé sa vie dans le mysticisme, hein, comme nombre de Oui. scientifiques et d'intellectuels, et dans l'ascèse et dans la contemplation. Et parce que effectivement, il semblerait que cette sa conversion, si je puis dire, intellectuelle et spirituelle, il semblerait bien. Là, on marche un peu sur les œufs, mais j'ai rencontré quelqu'un qui l'avait rencontré à la fin de sa vie et à qui il a expliqué qu'il avait procédé à des greffes du cerveau. Et il s'est aperçu que après, greffe du cerveau, c'est réputé absolument infaisable. Mais Barnard, parce qu'il y a tellement de terminaisons nerveuses, justement, qu'on ne sait pas très bien comment le réussir. Et donc, en principe, personne s'y est attaqué. Mais Barnard, qui avait tout greffé, il a eu quand même envie de greffer un cerveau. Et il a probablement eu l'autorisation du fait qu'il vivait en système d'apartheid et que, malheureusement, on s'autorisait à expérimenter avec des populations noires, ce qu'on ne faisait pas sur des gens blancs. Eh bien, il a transplanté un cerveau un jour d'un monsieur A à un monsieur B. Et quand il a réveillé le lendemain matin monsieur B, il lui a dit bonjour monsieur A, parce qu'il s'est dit ben, il a le cerveau de A. Et l'autre a répondu non, je ne m'appelle pas du tout A, je m'appelle B. Bon, cette histoire, encore une fois, elle est à prendre avec un peu une pincée de sel, si vous voulez, même si elle est absolument énorme. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez par exemple le dernier numéro de Science et Vie. Il y a un article tout à fait impressionnant sur on peut penser sans cerveau et qui décrit, disons, notamment un hydrocéphale, quelqu'un qui a le cerveau plein d'eau et qui se comporte tout à fait normalement. Et dans mon livre, je donne un exemple d'ailleurs d'un jeune Anglais qui avait un QI très élevé et qui avait en fait pratiquement que de l'eau dans le cerveau. Donc, la réaction scientifique à ça, c'est de dire, eh bien, vous savez, on dit souvent, on n'utilise que 10% de son cerveau. Bon, moi, j'y crois pas du tout. Je crois qu'on utilise bien son cerveau, contrairement à cette théorie qui donnerait l'impression qu'il y a encore plein de choses à découvrir dans notre cerveau. Et il y en a. Il y a encore plein de choses à découvrir, mais je suis pas sûr qu'elle nous apporte les réponses que nous attendons. Mais en tout cas, quelqu'un qui n'a que un cerveau réduit à 5% de sa capacité initial, eh bien, c'est un cerveau qui continue à fonctionner. Donc, je veux dire, là, on voit bien que peut-être que l'utilité du cerveau n'est pas aussi grande qu'on le croyait. Et ça m'amène à un autre sujet que j'évoque aussi dans le livre, qui est celui de la conscience, c'est-à-dire percevoir qui on est, percevoir son environnement, etc. Donc, la conscience est un sujet. D'abord, le terme est terriblement vague, donc on peut l'interpréter de manière assez différente. Mais surtout, la grande question qu'on peut se poser, c'est le cerveau, est-ce que le cerveau produit la conscience ou est-ce qu'il filtre la conscience? Et vous avez des chergeurs, vous avez des gens comme Henri Bergson, philosophe, vous avez j'ai parlé de lui déjà, monsieur William James, grand chercheur américain, dont la thèse est probablement le cerveau filtre la conscience, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir accès à une partie de la conscience universelle. Alors, vous avez des gens, des spiritualistes, qui vous diront, il n'y a qu'une seule conscience à laquelle nous accédons plus ou moins, de manière plus ou moins importante. Nous, les êtres humains, on est relativement bien branchés sur la conscience universelle par notre cerveau droit, dont on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui a une vision globale des choses et pas une vision réductrice, pointue, statistique, même formalisable vocalement, si vous voulez. Un grand génie, c'est quelqu'un qui, un grand peintre, ben, il travaille pas du tout avec son cerveau gauche analytique, il travaille avec son cerveau droit, disons, cosmique, Créatif. créatif, absolument. Le terme est tout à fait bienvenu. Donc, on voit bien que enfin, si cette théorie du cerveau filtre est exacte, et on a une expérience extraordinaire qui a été décrite par Aldous Huxley, grandissime philosophe, essayiste, etc., l'homme du meilleur des mondes, il a fait une expérience qu'il a décrite dans un petit livre qui s'appelle La porte de la perception, où il a absorbé une substance hallucinogène, du peyote en l'occurrence, et tout d'un coup, il a vu le monde beaucoup plus grand, beaucoup bien différent de ce qu'il pensait. Il a vu dans la pièce dans laquelle il était que tout était lié. Il a vu des couleurs absolument extraordinaires. Et il a dit, j'ai compris pour enfin le terme hindouiste très connu, Satchitananda, donc conscience, beauté et félicité. Eh bien, il a compris ça. Parce qu'il est allé au-delà de sa conscience classique et il explique de manière très précise, il dit au fond, notre cerveau est une valve réductrice, il dit un filtre. Notre cerveau, il filtre l'information parce que si nous étions constamment branchés sur le tout, sur la conscience universelle, on deviendrait fou. C'est pour ça d'ailleurs que les poètes souvent terminent fous, que les grands artistes terminent fous, parce que ils voient de beaucoup plus que vous et moi. Et nous, on a été programmés, si je peux dire, ou nous sommes programmés, je ne sais pas si c'est autoprogrammé ou si c'est voulu, en tout cas pour recevoir une partie simplement de l'information sur le tout. Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand vous commencez à regarder la conscience au niveau filtre et non pas au niveau production cérébrale, eh bien, ça ouvre les portes à toutes les consciences qui puissent exister, c'est-à-dire la conscience animale déjà. Quand j'étais gamin, on me disait, il n'y a que l'homme qui a la conscience d'être. Eh bien, aujourd'hui, on a fait des quantités d'expériences avec des animaux, et notamment en leur collant une pastille sur le front, on colle une pastille sur le front et on met l'animal devant un miroir. Alors, de deux choses, une, ou bien il gratte la pastille sur le miroir parce que le dérange, ou bien il se rend compte que la pastille sur le miroir n'est que le reflet de celle qui est sur son front et il se gratte le front. Eh bien, la plupart des espèces animales, qui ont celles qui ont des membres qui leur permettent, en tout cas, se grattent le front. Donc ça, c'est très très intéressant. On peut aller même plus loin. On a découvert qu'il y a une certaine conscience dans les plantes, si vous voulez, qui est tout à fait fascinante et qui passe par l'intermédiaire des racines. Qui vont chercher l'eau, les nutriments, etc. Et ça, je trouve tout à fait extraordinaire, et ça explique que le vivant, il y a une espèce de relation globale au niveau de la conscience entre tout ce qui est vivant. Maintenant, il y a des gens qui vont essayer de nous faire croire, et je pense que ce n'est pas totalement aberrant, qu'il y a de la conscience dans les cellules. Vous voyez, c'est là où on voit que le mot conscience est quand même très très vague. Mais l'idée que nos cellules qui se programment pour telle ou telle fonction en partant d'une racine commune, d'un œuf, une cellule unique, et on en a des centaines de millions dans notre corps, qui d'ailleurs meurent régulièrement, se régénèrent, et qui ont des fonctions très différentes. La différenciation cellulaire, est-ce que c'est dû simplement, est-ce que c'est simplement une opération mécanique? Mais si tel est le cas, on ne sait pas très bien quelle est la loi, là encore une fois, mécanique qui explique ce phénomène, ou est-ce que c'est pas beaucoup plus vaste? Est-ce que c'est pas la perception, la réception d'une information venue d'ailleurs qui explique aux cellules comment fonctionner? Donc on voit bien que aussi bien le cœur, qui a une fonction qui est beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus profonde et importante qu'on ne le pense, que notre cerveau, est-ce que notre cerveau est une machine à produire la pensée, ou est-ce que c'est une machine à filtrer, eh bien, à filtrer la conscience universelle, ce sujet-là n'a jamais été Le deuxième sujet, la science n'a jamais été cherchée, ça. Parce que, encore une fois, ça l'obligerait à admettre qu'il y a autre chose, qu'il y a une autre réalité. C'est toujours la même démarche. Dans une science aujourd'hui matérialiste, mécaniste, contemporaine, eh bien, on ne veut pas, on bute, c'est-à-dire qu'on s'interdit, si je puis dire. Alors, on se drape derrière disons, le savoir scientifique, en disant, non, non, ça, c'est pas mon sujet, je peux pas y aller. D'ailleurs, vous avez les psychologues, vous disent tous, eh ben, nous, on étudie, normalement, devrait étudier l'âme, mais en fait, on étudie le cerveau, parce qu'on n'a rien appris sur l'âme à l'école, à l'université, et puis en plus, on a une démarche scientifique. Alors, pourquoi est-ce qu'une démarche scientifique, pourquoi devrait-elle s'interdire de s'interroger sur des phénomènes qui dépassent, si je puis dire, le pur monde physique dans lequel nous sommes? Encore une fois, il y a des quantités d'expériences qui nous démontrent qu'il y a un autre monde, que nous faisons partie d'un monde beaucoup plus vaste et que ce monde est susceptible de communiquer avec nous par des voies les plus variées. Simplement, si vous voulez, aujourd'hui, on considère que ça relève du fantasme, du rêve, de l'hallucination, de neurotransmetteurs dans le cerveau qui ont été perturbés, etc., ou d'apoxie, c'est-à-dire privation de sang, etc. Et à ce propos, vous posez une question très juste d'ailleurs. Comment une expérience subjective peut-elle surgir de l'activité objective des cellules cérébrales? C'est à mon avis, là où bute terriblement la science, c'est comment effectivement est-ce qu'on peut produire le fait qu'on trouve le ciel bleu, ou enfin comment quelque chose de subjectif peut-il être produit par une machine? C'est quelque chose de. C'est d'ailleurs la grande question, la question dure, la hard question de la conscience, et qui n'est pas du tout résolue. D'ailleurs, moi j'ai bien l'intention d'explorer davantage ce sujet, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire et que on laisse pas toujours le micro à ceux qui ont des choses les plus intéressantes à dire sur le sujet. Il y a un peu de. Mais on voit bien que sur le plan. La science dit ah, il y a des choses dans la vie qui relèvent de la croyance. Et puis ces croyances, après tout, on les a peut-être inventées. L'homme a inventé Dieu. Okay? Moi, je pense plutôt le contraire, que Dieu a inventé l'homme. Enfin, peu importe, l'homme a inventé Dieu. Ça relève de la croyance. Mais quand un scientifique dit je ne crois pas à un phénomène comme les expériences de mort imminente, par exemple, ou la communication avec l'au-delà par l'écriture automatique, etc., quand on dit ça, c'est aussi une croyance, parce qu'il croit que ça n'existe pas. Donc la science tout de même est un peu victime, plus ou moins, de croyances, c'est-à-dire de dire, au fond, je ne vais pas au-delà d'un certain niveau de connaissance parce que je rentre dans un monde qui est celui de la magie, du paranormal. D'ailleurs, c'est très amusant parce que mon livre, La preuve par l'âme, eh ben, moi j'aurais été ravi qu'il soit dans la rubrique spiritualité. En fait, il est dans la rubrique paranormal. Vous voyez, c'est dans les librairies, c'est assez marrant. Et après tout, pourquoi pas? Je ne vais pas en faire une maladie. Mais j'aurais préféré qu'il soit plutôt dans la partie spirituelle. Mais donc le libraire, il se dit, bon, ouais, ça, parce qu'il parle de NDE, il parle de communication avec les morts et tout, il parle de fantômes, donc c'est du paranormal. L'affaire est entendue. Alors oui, effectivement, vous faites référence, vous, à votre parcours personnel. Quelles sont les expériences personnelles que vous avez vécues par rapport à ce monde paranormal? Parce qu'on vous dites que il y a un siècle, la science, les scientifiques du moins, étaient moins réticents à l'idée d'étudier les phénomènes paranormaux. Absolument. C'était au 19e siècle. Au 19e siècle, je me suis penché là-dessus dans mon enquête donc sur l'âme, et j'ai découvert qu'effectivement, au 19e, tout le monde s'intéressait à ce genre de phénomène. Et les gens les plus éminents, c'est-à-dire des très grands scientifiques, vous aviez M. William Crookes en Angleterre, vous avez Camille Flammarion en France, vous aviez. Comment il s'appelle le frère, celle qui a découvert le radium, Marie Curie, Pierre Curie, il était en plein là-dedans. Et j'ai même découvert depuis, figurez-vous, que l'un des généraux commandants de l'école polytechnique dont je viens a été remercié en 1887 parce qu'on trouvait qu'il trépatouillait un peu trop dans ces phénomènes. C'est quand même extraordinaire. Vous avez, au début du siècle, en France, vous aviez un institut métapsychique international qui existe toujours et qui était dirigé par le directeur général de Pasteur, de l'Institut Pasteur. C'est-à-dire que, vous voyez, le DG de l'Institut Pasteur n'était pas gêné d'être président de l'Institut métapsychique. Donc, et tout ça était extrêmement sympathique. D'ailleurs, j'ai appris récemment que ceux qui ont découvert la TSF, la télégraphie sans fil, c'est-à-dire qui est le début de la radio, eh bien, si vous voulez, étaient tous convaincus que cette télégraphie sans fil permettrait de communiquer avec l'au-delà. Et quand M. Marconi, qui est le premier à avoir fait l'expérience entre la France et l'Angleterre sur ce sujet, a commencé, il a eu des voix, des sons bizarres qui sont sortis de son système. Donc tout le monde était très ouvert à ça. Alors il s'est passé plusieurs phénomènes qui ont fait qu'aujourd'hui on est complètement en recul vis-à-vis de tout ça, malheureusement. Alors qu'on a plein d'histoires, beaucoup plus d'histoires à raconter, mais pourquoi est-ce que ça a reculé? Ça a reculé pour plusieurs raisons. D'abord, l'Église a beaucoup combattu ces expériences en disant que on allait sur des terrains qui n'étaient pas du tout conformes à la doctrine chrétienne. Donc ça. C'est-à-dire des terrains sataniques ou... Oui, alors en général, chaque fois que c'est ça, on parle de satanisme, mais pas nécessairement satanique, c'était simplement l'idée, vous aviez par exemple l'idée qu'on puisse communiquer avec les morts au 19e siècle, et ça c'était le spiritisme qui était très très très très en vogue. D'ailleurs, il y a un film qui sort là en ce moment qui s'appelle Ouija. Et on travaillait sur ce qu'on appelait Ouija Board, une petite planchette Ouija, où vous avez un curseur qui est des lettres, et puis ce curseur se balade et on fabrique des mots, etc. Et c'est en principe le monde des esprits qui parle. Moi, j'ai pratiqué ce genre de truc-là avec des tables tournantes. Je me suis même marié de cette manière-là, parce que moi, celle qui allait devenir ma femme, elle adorait faire tourner les tables avec ses cousines, et puis un jour, elle pose la question rituelle, qui vais-je épouser? Et à la table répond François. Alors, elle était très contente parce qu'elle avait un François dans la tête. Moi, elle me connaissait à peine. Et elle espérait qu'il y avait un J qui allait sortir après François. Et puis, c'est DEWI2T. Donc, mon nom est sorti. Et on m'a tout de suite invité à la rencontrer. Et je l'ai trouvée charmante. Et on est tombé amoureux. Et puis, on s'est mariés 6 mois après. Donc. La table, entre guillemets, qui, en principe, celui qui échangeait avec nous s'appelait Octave, c'était son grand-père qui était mort plusieurs années avant et qui rôdait un peu autour de la terre parce qu'il espérait, il attendait que sa femme le rejoigne. Et donc, tant qu'elle n'était pas avec lui, ben, il n'allait pas au paradis, entre guillemets. Et Octave, on est devenus très copains d'ailleurs, et copains au sens que je le faisais beaucoup parler. Je lui ai posé un jour une question très importante, parce qu'on dit que c'est les gens qui font bouger la table, c'est vous et moi, enfin, que c'est mécanique et tout. Moi, je suis certain qu'elle bouge, si on y met un peu d'énergie dedans, elle se déplace très facilement elle-même. Et un jour, j'ai posé la question à Octave, où est ton fils? Parce que son fils est devenu mon beau-père. Qui était à l'époque, qui faisait du bateau en Méditerranée, et il a répondu très très précisément, Monte Cristo, qui est un tout petit île près de l'île d'Elbe en Méditerranée, et on a pu vérifier que son fils était bien là. Alors qu'autour de la table, personne n'avait la moindre idée d'où c'était. Donc ça, c'est le genre de truc un peu troublant que je trouve qui mérite en tout cas d'être étudié davantage qu'il ne le semble. Bon, ça, c'était plutôt 19e siècle, si vous voulez, ces méthodes-là. Aujourd'hui, on est dans des méthodes beaucoup plus modernes, si je puis dire, et notamment, on pratique aujourd'hui ce qu'on appelle le channeling. Le channeling, un channel, c'est en anglais, ça veut dire un canal, et vous avez une personne qui va, dont on dit que elle est en contact avec le monde des esprits, et donc par son intermédiaire, on peut interroger les esprits. C'est un peu la même chose que les médiums, si vous voulez, au 19e siècle. Mais médiums, il y a eu beaucoup, beaucoup de charlatans. Les plus grands médiums ont avoué qu'ils avaient triché. Ça a beaucoup déconsidéré tout ça. C'est une des raisons pour lesquelles le spiritisme et le contact avec l'au-delà a perdu, disons, de sa stature. L'autre raison, bon, il y a l'Église aussi, bon, la troisième raison, c'est l'inconscient. C'est que M. Freud est arrivé en disant, mais tout s'explique par l'inconscient. Que tout ce qu'on ne comprend pas, ben, ça relève de toutes les réactions psychologiques bizarres, etc. Ça relève de l'inconscient. Et du coup, si je puis dire, la psychanalyse a vachement cassé toute cette recherche, mais qui réapparaît aujourd'hui sous d'autres formes, et notamment par le channeling. Et d'où la querelle avec Jung aussi, qui n'était pas Alors, de cet avis, hein. Jung pensait que sur le plan, disons, purement de l'analyse de la psyché, Jung, la psyché au sens, disons, contemporain du terme, Jung pensait que la libido que Freud mettait en avant comme l'explication de tout, le refoulement sexuel, ça expliquait pas tout, que la libido, c'était de l'énergie vitale beaucoup plus que de l'énergie sexuelle. L'énergie vitale est un concept qui était beaucoup véhiculé par des hommes comme Bergson, mais qui a perdu beaucoup de son aura parce qu'on n'a jamais réussi à trouver justement son origine, d'où elle venait. Mais n'empêche que vous voyez le chi ou le ki chinois ou le prana chez les hindouistes, c'est bien la théorie qu'il y a une énergie vitale qui circule et qui peut être bienfaisante ou malfaisante. En tout cas, toutes les recherches du 19e sont un peu tombées à l'eau, mais on a trouvé de nouveaux outils. Et le channeling est tout à fait fascinant. Et j'ai fait, moi, personnellement, l'expérience de rencontre avec une femme qui pratiquait, qui permettait de communiquer avec l'au-delà. Et franchement, je n'ai pas de raison de douter de la qualité de cette information. Et je vais vous donner deux exemples. La première fois que. Alors, c'est une femme qui se met le dos au mur, qui prend des grandes respirations, dites holotropiques, et qui émet des sons, et tout d'un coup, sort de sa bouche une information sur un ton avec une voix qui est très différente de la sienne, et on parle, on échange avec donc cette source d'information. Et ce qui m'a stupéfait, la première fois que j'ai rencontré. Que j'ai fait cette expérience, eh bien, on m'a décrit d'abord des vies antérieures. Je passe là-dessus parce que c'est pas encore, je suis pas convaincu que ce soit l'information très nécessaire pour moi. Et dès qu'ils avaient terminé de me décrire l'expérience de vie antérieure, je dis ils parce que on a l'impression de parler à un collectif qui s'exprime en anglais d'ailleurs, qui s'exprime en l'occurrence parce que mon channel est américain. Et qui dit oui, qui dit nous, au lieu de dire je. Eh bien, on m'a dit, ah, nous sommes très intéressés par votre projet de livre. Moi, ça, à l'époque, je ne savais même pas, je voulais écrire un livre, je voulais écrire un livre qui puisse compter, bon, etc. Mais je ne savais pas du tout ce quoi j'allais écrire, je n'avais pas la moindre idée. Mais je ramassais des bouquins par-ci, par-là, avec beaucoup de curiosité. Et j'étais tombé sur Platon. Je savais que j'aimais bien Platon depuis avant. J'aimais bien sa vision du monde, notamment sa vision de l'idée que l'âme précède le corps, etc. Et je n'aimais pas beaucoup Aristote. Et je m'entends dire, mais on est très intéressé par l'opposition que vous faites entre Platon et Aristote. Moi, je veux dire, on est en train de me piquer ma substance intellectuelle. Je veux dire, ils lisent dans mes pensées. Et la femme Chanel. Sujet, elle n'est pas du tout compétente sur pratiquement aucun des sujets que j'ai évoqués avec mes amis de l'au-delà, qui sont devenus mes amis parce qu'ils m'ont beaucoup encore. Alors ils m'ont même dit, vous pourriez faire un chapitre dans le bouquin, vous pourriez faire une espèce de dialogue fictif entre Aristote et Platon. J'ai dit, attendez, par contre, je les connais à peine et tout. Non, non, bah, bref, c'était juste une idée. Et je les ai consultés 5 fois en l'espace de 5 ans. Eh bien, ils sont formidablement stimulants. J'ai l'impression d'avoir affaire à des gens d'une bienveillance totale, des gens qui m'aiment et qui aiment l'humanité et qui veulent qu'elle avance. Donc ils me mettent sur des pistes. Et chaque fois qu'ils me mettent sur des pistes, je m'aperçois qu'il y a vraiment du grain à moudre. Donc c'est quand même extraordinaire. On a des conversations, encore une fois, qui dépassent très largement, je ne dis pas ça pour me vanter, les compétences de la femme qui est canal, qui est assise en tailleur. et qui est plutôt débranché. Et ces conversations sont souvent d'une précision extraordinaire. Alors, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. L'année dernière, j'ai demandé, est-ce que je peux rencontrer mes parents? Je leur ai dit, et ils m'ont dit oui, mais ils risquent de venir accompagnés. Je dis, écoute, c'est pas grave, très bien. Et d'abord, ma mère s'est présentée, mais ils m'ont expliqué, oui, elle est avec une cousine, elle est à Londres en 1953, je ne sais pas pourquoi. Donc on m'a décrit une scène, vous voyez ce que je veux dire, dans laquelle était ma mère. Et puis elle vous envoie plein d'amour, elle est ravie, elle trouve votre projet de bouquin extraordinaire, des trucs comme ça. Bon. Très très mignon, très émouvant, mais j'avais déjà trouvé un autre moyen de communiquer avec ma mère. Et je dis, et mon père? Ah, me disent-ils, écoutez, il est un peu intimidé. Parce que mon père s'est suicidé en 1971. Oui, il a des remords terribles, il est criblé de remords, il est pas dans la lumière. Parce que toute l'histoire, en fait, de la vie et de l'au-delà, c'est ombre et lumière, en fait. Il est plutôt dans l'ombre, donc il ne veut pas se montrer. Et puis, alors, j'étais quand même assez perturbé. Et puis, je leur dis, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, ils me disent, Camille. Alors, je cherche un Camille ou une Camille dans la vie de mon père. Je lui dis, ça doit être important. Non, non, non, il me dit, ça n'a rien à voir avec la vie de votre père. C'est votre petit-fils Camille. Mon petit-fils Camille était né 3 mois avant, le jour de Noël, d'ailleurs. Le jour de Noël 2013. Oui. Camille va faire aller votre père à la lumière. Votre petit-fils va faire sortir votre père de son trou. Vous vous rendez compte, c'est quand même extraordinaire. Voilà juste une information. Mais si vous voulez, je vais aller plus loin parce que cette information, l'histoire n'est pas terminée. Ça, c'est ce qu'on me dit au mois de mai 2014. Et il se trouve que une cousine par alliance de mon ex-femme, qui s'appelle Carmen, qui est une Mexicaine, s'est découvert il y a 25 ans un talent de médium. Et aujourd'hui, elle aide les gens, justement, elle aide les gens qui sont possédés, entre guillemets, par un esprit qui rôde autour d'eux. Elle aide l'esprit à aller vers la lumière, avec des techniques qui ont l'air vachement efficaces. Oui, parce qu'en fait, vous dites que ces esprits-là, qui sont dans ce monde encore obstrué, qui n'ont pas accédé au monde dégagé, peut-être parce qu'ils ont été dans le scepticisme toute leur vie ou pour Absolument. différentes raisons, que la Tout mort à a fait. été violente, Voilà. Oui, et ils sont un peu coincés, si vous voulez. Ils sont coincés, mais on va y venir. Et alors, donc, je raconte ça à Carmen. Je suis en train de prendre le thé avec elle et de passage à Paris. Je ne l'ai pas vue depuis 20 ans. Mais on a correspondu un petit peu et tout. Et là, elle est de passage à Paris, et puis on parle, c'est sympathique. Je lui raconte l'histoire de mon père et de Camille, donc son arrière-petit-fils. Et tout d'un coup, ah, elle me dit, j'ai mal au dos, j'ai un truc dans... Elle me dit, ça veut dire qu'il y a un message pour moi. Et elle est donc mexicaine, elle s'exprime pas bien en français. Et j'aime bien, mais je veux dire, c'est pas, elle écrit pas en français. Et elle va s'installer à une table avec un papier, un crayon, parce qu'elle me dit, j'ai un message, il y a forcément un message. Elle me dit, mets-toi, imagine qu'on a une grande protection par une pyramide de lumière, et qu'on se met dans la pyramide, etc. Parce qu'on ne veut pas que des mauvais esprits du bas astral viennent nous perturber. Et elle se met à écrire. Et voilà ce qu'elle écrit. Vous permettez que je... Bien C'est très très sûr. court. Et c'est un message de mon père pour moi. Mon cher fils, je suis maintenant dans la lumière grâce à l'aide de ton petit-fils Camille. Tu te demandes comment il est possible. Et je vais te dire comment. Comment c'est possible? Il est une âme très avancée qui a voulu aller sur Terre pour aider sa famille à s'ouvrir aux nouvelles conceptions de la vie. Il a décidé, avant de partir, qu'il m'aiderait à me sortir de mon entêtement de remords qui ne m'emmenait à rien. Son aide s'est faite avec la pureté de son esprit qui émane. Dont il émane une énergie d'amour tellement forte qu'elle arrive jusque-là où j'étais enfoui dans mes remords. J'ai vu tout d'un coup une lumière éclatante qui m'appelait avec un grand amour et j'ai succombé à son attrait. C'est pas beau ça? C'est Magnifique. magnifique. Et voilà une histoire, si vous voulez, une double histoire. D'abord, j'ai mes amis de l'autre côté qui me parlent de Camille. Et après tout, peut-être qu'il me raconte des conneries, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai tout d'un coup Carmen, et elle me dit, j'ai jamais fait ce genre de communication. En général, elle communique avec des gens qui sont sur place, dans les endroits, etc. Et c'est mon père qui lui passe un message pour moi. Bon, moi, je ne doute pas de ça, vous comprenez? Parce que je connais Carmen, c'est une femme tout à fait qui a la tête sur les épaules, sérieuse, c'est une bonne bourgeoise mexicaine. Elle a même eu plein d'emmerdes, si je puis dire, parce que le fait d'avoir basculé dans la médiumnité lui a valu évidemment des lazzis, des ricanements de beaucoup de ses amis. Puis en plus, on s'est dit, elle n'est plus très catholique, vous voyez, c'est ça qui arrive. Mais le fait que ça corrobore, puis en plus, moi je suis très heureux que mon père soit dans la lumière, vous voyez, alléluia, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même formidable. Et donc, on voit comment, et puis, alors je lui ai demandé, ça c'est un autre sujet que je n'ai pas traité dans le bouquin, parce que j'ai quelques réserves. On parle aujourd'hui des enfants indigos ou des enfants de cristal. Les enfants, le terme indigo, c'était parce qu'ils ont une aura indigo, etc. Ça a été inventé par un psychologue ou une psychologue américaine il y a quelques années. Moi, j'y ai pas beaucoup cru à cette affaire-là. Et l'idée, c'est que ce sont des âmes extrêmement évoluées qui reviennent sur Terre parce que, bon, pour éviter qu'on se auto-détruise, si je puis dire, pour nous faire comprendre qu'il y a autre chose dans la vie que le pouvoir, le fric et le sexe. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Je simplifie évidemment. Et ben, j'ai demandé à Carmen, j'ai dit, ben, est-ce que petit Camille, oh oui, c'est un enfant de cristal. Pour elle, ça ne fait pas de doute. Oui, vous Bon. en parlez hein, dans votre livre des enfants et de cette. Finalement, on peut dire peut-être que les enfants ont une acuité au niveau du cerveau droit qui est bien plus développée que le nôtre. Absolument, je crois que c'est tout à fait. Mais ils ne peuvent pas l'exprimer parce que. Mais peut-être qu'on devrait faire peindre les enfants beaucoup plus qu'on ne le fait. Ou je ne sais pas. En tout cas, il y a des ressources à les aider à exprimer, même à un âge très tendre, qui ne sont pas exploitées parce qu'on est toujours, nous, obsédés par le cerveau gauche. L'école est un outil de formation cerveau gauche et pas du tout assez cerveau droit. Et on peut s'interroger, si vous voulez, sur les programmes scolaires. Mais l'ennui, c'est que les programmes scolaires, on est coincé par les professeurs qui savent enseigner une chose et qui ne savent pas enseigner une autre. Donc, les compétences des professeurs, malheureusement, je dirais, dictent un peu les programmes. Encore qu'on les bouscule souvent, d'ailleurs, mais avec des trucs qui me paraissent aberrants. Mais enfin, ce n'est pas le sujet. Toujours est-il qu'en tout cas, ce témoignage de mon père à Carmen, moi je ne vois pas pourquoi je vais douter de ce qu'il dit, parce que elle, c'est une professionnelle de la communication avec les morts qui a beaucoup obtenu des tas de résultats. Mais ce qui est beau, si vous voulez, ce que je trouve le plus fascinant, c'est que c'est le passage de l'ombre à la lumière, si vous voulez. Et je vais prendre un exemple tout à fait. Un message que m'ont donné mes amis de l'autre côté, que j'appelle Alana, et que je cite souvent dans le bouquin, ils m'ont dit, vous devriez étudier les trous de ver d'Einstein plutôt que les trous noirs, très connus depuis M. Stephen Hawking, britannique, vous savez, celui qui est très, très, qui est tombé très, très malade, c'est le grand génie anglais, à Cambridge, et qui lui est spécialiste des trous noirs. Les trous noirs et les trous de ver, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Un trou noir, on ne peut pas le voir parce qu'il est noir par définition. Et un trou de ver, c'est dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, les trous de ver, c'était des modes de communication, des espèces de ponts d'un endroit de l'espace-temps à un autre endroit de l'espace-temps. C'est-à-dire que vous pouviez passer d'un endroit à l'autre instantanément à travers le fameux trou de ver. L'ennui, c'est que cette théorie, il a été démontré, ou en tout cas depuis, qu'un objet matériel d'une certaine dimension ne pouvait pas passer dans un trou de ver. Alors, du coup, on n'en parle plus beaucoup. Mais moi, je me suis demandé, je me dis, mais au fond, les trous de ver, c'est pas les fameux tunnels que traversent les gens quand ils font une expérience de mort imminente, est-ce que c'est pas des trous de ver? Et j'ai posé la question à mes amis qui m'ont dit, c'est exactement ça. J'ai même été plus loin, j'ai mis, au fond, vous, quand vous communiquez avec nous, est-ce que vous passez pas, parce que vous êtes immatériel, donc c'est pas un problème pour vous. Nous, on n'y passe pas, on peut pas aller chez vous, mais vous pouvez venir chez nous par un trou d'œil, ils m'ont dit oui. Mais les trous noirs, ils ont été aussi vachement intéressants, parce qu'ils m'ont dit la théorie des trous noirs est fausse. Ah, je dis, ah bon, très bien. Oui, parce que le trou noir, est, normalement, il y a une telle quantité de gravité, c'est une étoile qui s'effondrait sur elle-même et qui a une attraction gravitationnelle tellement forte qu'elle absorbe tout, et même la lumière. C'est-à-dire que la lumière, bon, elle disparaît dans le trou noir. Eh bien, eux, ils me disent, non, c'est pas possible parce que rien ne peut détruire la lumière. C'est ça qui est génial. Rien ne peut détruire la lumière. Donc, le trou noir, la théorie du trou noir est erronée. Ah bon, je dis, c'est quand même un peu costaud ce qu'ils me disent là. Et comme par hasard, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Google, je découvre un document, une conférence de Monsieur Stephen Hawking, grandissime spécialiste des trous noirs, qu'il a fait en 2013, je crois à Atlanta, quelque part aux États-Unis, où il dit, ma théorie des trous noirs est inexacte. On n'a pas fait beaucoup de bruit sur cette conférence, je peux vous dire. Il y a eu un article dans Nature, le grand magazine anglais, mais on n'a pas fait cas. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, un trou noir ne peut pas détruire la lumière. Je m'étais trompé dans mon raisonnement. C'est quand même vachement intéressant, avouez. Donc moi, j'ai des copains là-haut qui en savent plus que Monsieur Hawking. Vous voyez, c'est un peu l'impression que ça me donne. Et j'ai accès à cette information. C'est quand même, c'est magnifique, je veux dire, c'est magnifique de montrer, c'est encore une porte de la perception qui s'ouvre, si vous laissez, que nous puissions avoir accès à des informations. Mais encore faut-il imaginer que dans un monde cosmique, dans ce fameux monde dégagé dont je parle pas mal, eh bien, il y a de la capacité intellectuelle surpuissante. Et d'ailleurs, c'est la meilleure démonstration du fait qu'on parlait de la conscience et dans le cerveau. Ben, si vous voulez, que des êtres qui n'ont pas de cerveau, il n'y a pas de cerveau dans un esprit, il n'y a pas de cerveau dans une entité immatérielle, que ces êtres puissent s'exprimer comme vous et moi, tenir des raisonnements, connaître des théories, si vous voulez, ben, comment on peut expliquer ça? Ça, oui, par l'âme, effectivement, on sait Ça que... passe par l'immatériel, ça passe par la capacité de l'immatériel à être beaucoup plus puissant. Ça prouve qu'il y a dans l'espace intersidéral des quantités d'informations, d'énergie, de tout ce qu'on veut, qui sont prodigieuses et qui valident un certain nombre de théories comme l'Akasha, etc. C'est tout à fait fascinant et que finalement, nous autres êtres humains, on ne découvre jamais rien, on fait que piocher dans Oui, une bien énorme sûr. banque de données universelle et éternelle, éternelle forcément. Oui, ce qui explique bien les réalisations artistiques des génies et... Absolument. Ça explique plein de choses. Ça explique peut-être que notre mémoire, à vous et moi, n'est pas dans notre cerveau. Alors là, je marche un peu sur des œufs, parce que je ne suis pas sûr d'avoir raison. Mais ce que je sais, c'est que vous avez un Américain très célèbre, je sais pas, alors les années 20 ou 30, qui voulait trouver où était la mémoire dans une tête de rat. Alors, il faisait faire des exercices à un rat dans une cage et tout, et boum, il lui coupait un bout de cerveau. C'est pas très ragoûtant, mais c'est comme ça. Et le rat continuait à tourner, à faire l'exercice pour chercher son fromage, etc. Et il a coupé jusqu'à 95% du cerveau du rat. Et le rat exécutait toujours la même tâche. Alors, on va me dire, c'est un réflexe, je sais pas quoi. Enfin, non. C'est quand même vachement troublant, c'est que il a jamais trouvé où était le siège de la mémoire dans la tête du rat. Et savoir, alors on vous dira, ah, la mémoire est répartie dans tout le cerveau. Mais on parlait tout à l'heure d'un monsieur qui avait 95% du cerveau qui lui manquait. Si elle est répartie dans les 5% restants, moi je vais bien, mais normalement il devrait en rester moins que chez quelqu'un normal. Comment se fait-il? Vous voyez, il y a des quantités de défis aujourd'hui à la science, que ce soit les trous noirs, le cerveau, le cœur, etc., aujourd'hui qui sont absolument passionnants. Et ces défis nous sont jetés par Le monde cosmique, en fait, c'est par l'existence, parce que l'existence de ce monde cosmique explique des phénomènes que nous n'arrivons pas à expliquer dans notre monde de la matérialité. Donc c'est quand même là, il y a quelque chose de... Il y a au moins du grain à moudre. Oui, ça me fait penser aussi à ce point de Dieu aussi que vous évoquez dans le livre Mais concernant l'expérience des méditants. on n'a pas trouvé le point de Dieu. On n'a Voilà. pas trouvé. On n'a pas trouvé de point de Dieu. Effectivement, on a cru qu'il y en a un, qu'il y en avait un, et on n'a pas trouvé. Mais on sait que les méditants, effectivement, émettent des ondes θ, qui sont des ondes extrêmement faibles, et que ces ondes, eh bien, les mettent dans des états absolument magnifiques de correspondance avec le tout, des états mystiques. Oui, les méditants, c'est très intéressant comme phénomène. Je vous propose, François de Witt, une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Thank you. d'écouter Alice Coltrane et nous sommes de retour avec François De Witt qui vient nous parler aujourd'hui de son livre intitulé « La preuve par l'âme » que vous retrouverez aux éditions Guy Trédaniel. Voilà François, nous étions voilà, en pleine émission en parlant de l'âme, finalement de la potentialité presque certaine que l'âme puisse exister, que nous ne soyons pas juste un amas de cellules nerveuses ou cérébrales. Et je me posais une question que probablement les auditeurs se posent également, c'est comment peut-on être en lien avec son âme? Comment communiquer avec elle, si c'est finalement le but de notre vie, de notre existence terrestre. C'est très important et effectivement c'est le moteur, si vous voulez, c'est le moteur, c'est un moteur qu'on oublie un peu parce que c'est un moteur qui, encore une fois, qui ne s'exprime pas de manière verbale, puisque je suis convaincu que ça passe par le cœur, alors que l'âme puisse envoyer des messages au cerveau qu'on puisse verbaliser, je veux bien, mais disons que son message n'est pas verbal, c'est ça qui est très important. Et donc, il faut trouver des méthodes, si je puis dire, de pourquoi est-ce qu'on a intérêt à rentrer en contact avec son âme d'abord, ben parce que en fait, ma conviction, c'est que nous, je vais reprendre la formule de Teilhard de Chardin qui disait, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Ce qui montre bien que Teilhard, vous savez qu'il a eu quelques ennuis, ses livres n'ont jamais été publiés de son vivant. Il était pourtant jésuite, c'était un grand paléontologue, mais Teilhard était donc convaincu de la préexistence de l'âme. C'est quand on dit qu'on est des êtres spirituels, ça veut dire qu'on était d'abord esprit avant de devenir incorporé, si je puis dire. Donc c'est très important, c'est la même vision que celle de Platon. Par opposition à celle d'Aristote, Platon, il pensait que l'âme préexistait au corps. Alors si elle préexiste, si en plus elle est, disons, elle est issue d'une source que moi j'appelle Dieu parce que je suis croyant, mais on n'est pas obligé de l'appeler Dieu, d'ailleurs on n'a pas besoin d'être croyant pour croire à l'âme, c'est ça que les gens ne comprennent pas très bien. Eh bien, elle vient d'une source, et cette source, tout nous démontre, et notamment toutes les expériences de mort imminente, nous démontrent que cette source est bienveillante, est aimante, elle n'a qu'un seul message, c'est l'amour. Eh bien, je pense que notre âme vient dans un corps, s'incarner dans un corps, pour véhiculer, pour transmettre un message d'amour. Il y a un Américain très intéressant que j'ai lu, et même avec qui j'ai dialogué, qui s'appelle Robert Schwartz, qui s'est découvert une capacité, disons, de communication par-delà la mort, avec l'aide d'ailleurs de médiums, et faire régresser des gens dans des vies antérieures et même dans l'intervie. Et ce Robert Schwartz dit, et je trouve la formule assez jolie, l'âme vient sur Terre pour diffuser des valeurs divines. J'aime beaucoup cette idée de valeurs divines. Bon, lui, il introduit Dieu, ça c'est son affaire, mais quand il dit valeur divine, c'est la patience, il en fait toute une liste, il y en a 32, ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour inconditionnel, ça peut être la patience, ça peut être la tolérance, l'ouverture aux autres, etc. Et donc, notre projet de vie est un projet d'amour. Bon, quand on regarde autour de soi, on se dit, ben, est-ce que ce projet, est-ce qu'on le réalise ou pas ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le réalisent, beaucoup plus de gens qu'on le croit. Ce sont des gens qui ne courent pas après les trois, disons, chausse-trappes classiques, je dirais, de l'ego, qui sont le pouvoir, le sexe et l'argent. Et donc, ce sont des gens qui vivent des vies modestes, des vies banales, et qui peuvent tout à fait réaliser leur projet d'âme à travers ces vies. Mais bon, quand on est un peu plus compliqué comme moi, on va essayer de comprendre, on veut savoir pour comment je peux vivre mon projet de vie, c'est-à-dire comment je peux communiquer, essayer de recevoir des messages de mon âme. Alors, j'ai découvert quelque chose de tout à fait étonnant dans un certain nombre de circonstances, c'est que quand j'étais bien, quand je sentais mon âme, j'avais des frissons. On peut avoir des frissons pour plein de choses. On peut avoir des frissons en écoutant une belle musique, on peut avoir des frissons, avoir un coucher de soleil. Mais donc tous les frissons ne sont pas des messages de l'âme. Mais j'ai essayé moi-même, j'ai essayé, j'ai vécu une expérience qui m'a beaucoup, beaucoup marqué il y a une vingtaine d'années en sortant d'un déjeuner avec ma mère, où je rentrais à mon bureau, en voiture, et tout d'un coup, je suis inondé de lumière, de bien-être, j'ai des frissons partout, je suis. C'est absolument magnifique, alors que je suis dans ma bagnole, tranquillement, en train de reprendre mon travail. Et je reçois un message, Dieu t'aime. Bon, tout bête, tout simple, tout direct. Alors, allez savoir d'où il vient, mais à mon avis, c'était peut-être un petit message de mon âme. À l'époque, je faisais une thérapie jungienne, et je me suis dit, ça doit être ton inconscient qui te dit ça, c'est ce que la plupart des gens diraient aujourd'hui. Et puis, à la réflexion, je me suis demandé si ce n'était pas plus profond que ça. Et je sais maintenant que quand mon âme m'accompagne, eh bien, je me provoque des frissons. Elle me fait des frissons en marchant dans la rue tout d'un coup, ou bien en parlant. Là, en ce moment, ça y est, ça me reprend en vous parlant à l'antenne. Et j'en ai partout. Et je suis dans une espèce de bulle extraordinaire et je me dis, je suis dans mon état naturel, mon état d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est sympa parce que j'ai trouvé un petit phénomène déclencheur, si je puis dire. Ce qui pourrait aussi faire que finalement on ne recherche plus cet amour aussi à l'extérieur de nous de manière avide, Absolument, mais qu'on le voilà. contacte à l'intérieur de nous. Et ça, c'est très très important, vous avez parfaitement raison. Parce que si vous voulez, l'amour humain, il a tout de même un caractère très particulier, en général, c'est le côté possessif, si vous voulez. Un amour de couple, eh bien, il y a toujours il y a de la possession physique, même si ce n'est pas un terme nécessairement adapté, mais il y a de la possessivité, on demande, on est exigeant, etc. L'amour inconditionnel, et ça j'ai commencé à le découvrir grâce à mes explorations de mon âme, je me suis aperçu qu'en tant que père de famille, j'ai 4 enfants, je leur vouais un amour conditionnel, c'est-à-dire je t'aime si tu as des bonnes notes en classe, je t'aime si tu sais te comporter en société, je t'aime si ta petite amie est sympathique, etc. C'est terrible ça. Moi j'ai vécu pendant 50 ans, en tant que père de famille, même peut-être un peu plus, avec cette espèce de conditionnalité de l'amour que je vouais à mes enfants. Alors que dans l'autre sens, on sait très bien que les enfants ont souvent un amour inconditionnel vis-à-vis de leurs parents. Le père, vous savez, qui disparaît et ses enfants le recherchent pendant 20 ans, etc., désespérément, il a fait, c'est typiquement l'histoire du fils prodigue, d'ailleurs, dans la Bible, et bien, quand il revient, quand on se retrouve, on tombe dans les bras l'un de l'autre, on est heureux de se voir. Parce que et du coup, il n'y a pas de reproche, si vous voulez. C'est assez fascinant comme idée. Revenons au contact avec notre âme. Je pense qu'il y a des circonstances. Encore une fois, c'est souvent la lumière et la musique. D'ailleurs, vous remarquerez là encore que dans les expériences de mort imminente, on parle très souvent de musique, d'une musique extraordinaire. Il se trouve que moi, j'adore la musique. Je ne connaissais pas Alice Coltrane, mais c'est pas mal non plus. Mais je connaissais McCoy Tyner, qui était le pianiste de John Coltrane, qui était un très, très grand génie du piano. Bref, disons que nous avons quantité d'expériences dans la vie qui sont, moi, je dis, mon âme ronronne. C'est l'expression que j'utilise. Elle est bien. Et j'ai pensé pendant longtemps que la seule chose qui était importante, c'est qu'elle soit bien. Je n'avais pas dans la tête l'idée qu'elle puisse avoir un projet. Et qu'elle a un pro et pour moi, c'est une évidence. Mais simplement, il y a ce phénomène incroyable de l'amnésie, de l'oubli. Quand nous naissons, nous oublions, peut-être pas quand on est tout jeune, justement, quand on est bébé, qu'on ne sait pas s'exprimer. Mais dès qu'on sait s'exprimer, on risque de perdre le contact avec notre âme et donc forcément avec le projet. Alors pour le retrouver, je pense que d'abord, il faut être attentif aux circonstances dans lesquelles on est bien, parce que ça, c'est du bien-être de l'âme. La méditation, évidemment, ça peut être tout à fait utile pour ça. Mais on peut aussi essayer d'aller un peu plus loin. Je pense que, si vous voulez, la prière est quelque chose de très important, à condition que ce soit une prière de reconnaissance d'être dans ce monde. Et encore une fois, on peut prier une source, on n'est pas obligé de prier Dieu, Jésus, la Vierge Marie, etc. Non, La vie. on peut prier, oui, la chance qu'on a d'avoir la possibilité d'expérimenter sur cette terre les fameuses vertus divines dont je parlais. Et encore une fois, elles ne sont pas obligées d'être divines. Si je comprends bien, dans le monde, si vous voulez, dans Nous sommes accompagnés dans notre vie, vous, moi, tout le monde. On est accompagnés par des esprits qui nous veulent évidemment du bien et avec qui on a mis au point notre projet de vie avant. Donc on est accompagné, c'est ce que Socrate appelait son daimon. Très, très, très important. Et ce daimon est souvent le déclencheur, le moteur de beaucoup de carrières, de beaucoup de créatifs. Et l'histoire pullule d'exemples qui montrent à quel point il peut être puissant. Et donc, le but, c'est d'essayer de savoir pourquoi on est venu dans cette vie. Et bon, moi, c'est peut-être un peu prétentieux, ça peut paraître un peu prétentieux, mais je suis convaincu aujourd'hui que dans cette vie-là, je devais apprendre l'amour inconditionnel, ça c'est certain, et c'est fait, et ça change complètement les relations avec les enfants. Parce que si vous comprenez que vos enfants ne sont pas vos enfants, que ce sont des âmes qui ont choisi de naître dans votre foyer, entre les jambes techniquement de leur mère, eh bien, si on se dit ils ont choisi de venir chez nous, eh ben merci, on a envie d'être vachement reconnaissant qu'ils soient venus, donc d'en avoir quatre, c'est encore mieux que d'en avoir seulement un, vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, ce qui est adorable, c'est que mes enfants sont très proches de mon cheminement, si vous voulez. Ils sont pas, j'ai personne, aucun des quatre n'est fermé. Il y en a qui sont un petit peu plus sceptiques que d'autres. Il y en a deux qui sont vraiment très très heureux, je crois, de me voir suivre ça. Mais tout le monde est positif, vous voyez. Donc je suis très très très sensible à ça. Donc je vais revenir. La méditation, c'est sûr que c'est aussi une bonne technique. Moi, je suis pas un grand bon, je suis pas très bon en méditation, mais on m'a dit un jour que je méditais tout le temps. C'est-à-dire que j'ai une espèce de capacité de m'abstraire de tout ce qui m'entoure, que ce soit en marchant dans la rue, que ce soit en marchant dans la campagne, d'ailleurs, dans la nature, ou en discutant avec quelqu'un, comme je discute avec vous, le ciel peut tomber sur la tête, je m'en fiche, je suis dans mon sujet. Donc cette capacité de concentration, à mon avis, c'est aussi un cadeau. Mais je dirais, le bouquin dont nous parlons, c'est forcément pour moi une raison d'être. Et pourquoi est-ce que j'ai écrit un livre de journaliste, j'ai écrit un livre d'enquête, et je n'aurais pas pu l'écrire si je n'avais pas été journaliste avant. Donc, d'une certaine manière, mon métier de journaliste m'a poussé à écrire un livre d'une certaine manière qui ne ressemble pas du tout aux autres, qui est un peu fouillis, qui n'est pas fouillis, mais un peu touffu, un peu dense, je Dense, pense. mais très structurée et oui, Ouais. argumentée, Mais le argumente, travail. non, mais dense, si vous voulez. Donc, et parce que j'aime pas écrire de manière bavarde, si vous voulez. Donc. Et alors encore une fois, pour retrouver son projet d'âme, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas besoin, parce qu'ils vont le vivre tout à fait normalement. Mais dès que l'on a des tentations, je dirais, toujours nos trois ennemis, pouvoir, sexe et argent, dès qu'on est trop emporté par ces tentations-là, eh bien, on est en train de dévier. Mais ce qui est bien, je vais vous dire, ce qui est incroyable, c'est que quand on passe de l'autre côté, que l'on passe notre vie en revue, et si l'on accepte disons, si on voit à quel point on a dévié par rapport à son projet d'âme, eh bien, on peut aller vers la lumière. Mais on parlait tout à l'heure de mon père. Mon père s'est suicidé. Il a eu un remords monstrueux parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus d'amour humain autour de lui qu'il ne l'imaginait. Il croyait qu'il était tout seul alors qu'il était aimé. Et lui-même, il a choisi d'aller dans les ténèbres, si je puis dire. Il n'a pas choisi la lumière et par remords. Et maintenant, grâce à son arrière-petit-fils, il est en train de venir à la lumière. Moi, je trouve ça magnifique comme cheminement. Vous voyez ce que je veux dire? Comme cheminement d'âme, d'ailleurs. Ce n'est pas un cheminement d'être humain. Et justement, vous faites référence aussi à Hillman dans votre livre qui dit nous entrons dans chaque vie avec un projet souvent visible dès l'enfance, puis étouffé par les conventions. Est-ce que vous pensez que la société telle qu'elle est actuellement nous pousse, finalement, nous emmène à nous couper de ce daimon, de cet Oui, ami fidèle? cet ami fidèle qui accompagne notre âme. Je pense que, je ne suis pas sûr, disons que la société est toujours pleine de sollicitations. Et dans le monde actuel, il y en a peut-être encore plus que jamais. Ce qui est vrai aussi du monde actuel, c'est que Le matérialisme, malheureusement, la doctrine matérialiste a fait des dégâts absolument considérables parce que les gens disent, comme Monsieur Jacques Monod, quand il est dans son bouquin Le hasard et la nécessité, l'homme sait qu'il est définitivement seul dans un monde qui n'a pas de sens. Bon, ça, c'est épouvantable. J'espère que vous, Roxane, qui m'interrogez, vous êtes convaincu que notre monde a un sens. Le monde a un sens et la vie a un sens. Alors, on peut trouver toutes les bonnes raisons de penser aujourd'hui qu'il n'en a pas. Mais il en a, et il en Moi, a. je regarde simplement le fonctionnement anatomique du corps pour comprendre qu'effectivement, tout est lien de cause à effet. Donc, Ouais. effectivement, il y a un sens à tout. Mais absolument. Et il y a même du sens dans des choses qui ne paraissent pas avoir de sens. Je prends un exemple, parce que il y a un terme que les gens aiment beaucoup, qui est un peu galvaudé, qui s'appelle la synchronicité. La synchronicité, qui est un mot qui a été inventé par Jung, c'était en principe un phénomène qui n'a pas de cause, mais qui a un impact, qui a du sens pour la personne qui le vit. Et il prenait l'exemple de lui-même un jour essayant de convaincre une de ses thérapeutes, enfin un de ces personnes qui étaient en thérapie avec lui, qui résistait à la thérapie, et elle lui dit, tiens, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé d'un scarabée d'or, d'un scarabée d'or, et curieusement, il y a quelque chose qui tape à la fenêtre de son bureau. Il ouvre la fenêtre et il y a un scarabée doré de l'autre côté, un scarabée qu'on ne voit pas très souvent en Europe. Donc, et lui, il savait que le scarabée qui roule sa petite boule de crotte, vous savez, dans les traditions égyptiennes, eh bien, c'est un symbole de sagesse. Donc, il a reçu un message et il a dit, il n'y a pas de cause. Eh bien, moi, je suis convaincu qu'il y a une cause. C'est-à-dire que ce scarabée, c'est pas pour rien qu'il était là. Il y a été mis. Alors là, vous pouvez me dire que je délire, etc. Mais ce qui se produit dans une synchronicité, c'est une intervention du monde dégagé, du monde spirituel, dans le monde réel. On sait très bien que les esprits peuvent faire démarrer des appareils électriques comme ils veulent, pas toujours, parce que c'est, paraît-il, un peu compliqué, qui peuvent déplacer des objets. Tout ça a été consigné de multiples fois. Eh bien, moi, je pense que le daimon de notre ami Jung, il lui a placé ce petit scarabée-là pour attirer son attention. Et je vais même plus loin. Je dirais que c'est un acte d'amour. Une synchronicité, c'est un acte d'amour. D'amour, mais du vrai amour universel. L'amour, pas l'amour, je dirais, au sens je t'aime, tu m'aimes, on s'embrasse, mais au sens nous allons. Et il y a un amour inconditionnel pour nous, et le souci de ceux qui véhiculent cet amour, c'est de nous faire avancer, c'est de qu'on se développe. Donc je pense que vous et moi, on reçoit probablement plein de messages. J'ai pas tous les jours, mais on en plein qu'on zappe, auquel on ne prête pas attention. Oui, autrement dit, l'univers serait constamment en train de travailler, à Voilà. notre évolution, à notre A bien-être. absolument. Et je prends juste l'exemple banal de synchronicité. J'ai envie de téléphoner à quelqu'un, je décroche mon téléphone et puis quelqu'un m'appelle en même temps. Vous savez, ça, c'est. Mais si vous voulez, c'est toujours un acte d'affection, si vous voulez. Je pense qu'il est médiatisé, c'est-à-dire qu'il est provoqué au-delà de notre cerveau, de notre raison, par une force extérieure qui est bienveillante. Et donc, il y a une cause, vous voyez ce que je veux dire? Alors que pour Jung, il n'y en avait pas. Et tout a une cause, donc je pense que c'est pas. Là, il s'est un peu trompé dans son raisonnement. D'ailleurs, il s'est un peu emmêlé les crayons après parce qu'il n'arrivait pas bien à expliquer ce qui me paraît relativement facile à expliquer, encore une fois, en faisant intervenir cette dimension spirituelle dont les savants matérialistes contemporains nient l'existence. Et qui existe, qui pour moi me paraît. Elle nous démontre tout le temps, de manière absolument spectaculaire, son existence. Je voulais aussi évoquer les propos d'Inman aussi concernant la personnalité que j'ai trouvé assez fort quand il nous dit la personnalité ne tient pas à ce que nous faisons, mais à la manière dont nous le faisons. Elle donne sa forme à une vie. Si obscure soit-elle et si peu éclairée soit-elle par les étoiles, il s'agit d'un appel à la vie, d'un appel à l'honnêteté plutôt qu'au succès. Le daimon accorde de l'importance à chacun, pas seulement aux importants. Ça, c'est très important, comme, si je peux reprendre le terme. C'est dans un livre merveilleux. Hillman était un élève de Jung. Il a été même le président de l'Institut jungien pendant de longues années. C'est un Américain. Et à la fin de sa vie, il a écrit un bouquin incroyable qui a, à mon avis, assez faible diffusion en France, mais beaucoup, beaucoup aux États-Unis, qui s'appelait le code secret de notre âme. Où je ne me rappelle plus bien le titre en français. Moi, je l'ai lu en anglais. C'est pas le code secret, bon, peu importe. Mais James Hillman a écrit ce bouquin magnifique, justement, qui montre. Et alors, il y a tout un chapitre sur les gens ordinaires, sur les gens médiocres. Et moi, je vais complètement dans son sens, effectivement. C'est la manière dont nous exécutons notre vie, dont nous l'orchestrons, qui compte. Et alors, effectivement, beaucoup d'entre nous, selon moi, vont vivre la vie, vont, malgré eux, vous voyez, un peu comme des somnambules, ils vont exécuter le projet de leur âme. Mais il y en a beaucoup aussi qui vont le rater, qui vont passer à côté. Dans le monde contemporain, vous avez beaucoup de gens qui vous disent, je n'ai pas ce à quoi j'ai droit. Vous savez, c'est qui se plaignent. Et quand on se plaint, de ça, je ne suis pas reconnu, je ne suis pas respecté, je ne suis pas ceci, cela. Quand on se plaint de cette manière-là, c'est que on est en train de dévier par rapport à son projet d'âme. Ça, c'est évident. Et on a tous, me semble-t-il, non, je ne sais pas le devoir, parce que ça fait un peu stupide, mais il nous appartient d'essayer de retrouver ce projet qu'on avait lorsque on est arrivé dans ce monde. Mais encore une fois, on ne peut y arriver que si on imagine qu'on avait un projet. Vous savez, il y a une très belle phrase de Lamartine que je cite dans le bouquin, qui est borné dans sa nature infinie dans ses vœux. Borné dans sa nature infinie dans ses vœux, l'homme est un Dieu déchu qui se souvient des cieux. Alors bon, le Dieu déchu, moi je trouve ça pas très sympathique parce que je crois que c'est pas vrai. On n'est pas déchu, mais on est d'une certaine manière des dieux. On est borné dans la nature parce que on a un cerveau qui est quand même assez borné justement et borné exprès, infini dans ses vœux, on l'est. On peut l'être. En plus, lui, Lamartine était un grand ambitieux, donc je veux dire, ça lui allait assez bien. Mais je trouve que c'est une belle phrase dont le sens me paraît être de démontrer notre nature spirituelle et pas notre nature humaine. Une nature finalement qui implique davantage l'état d'être que l'état de faire. Oui, mais on est là pour faire aussi, hein. C'est Oui, pas bien sûr, non, non, c'est. l'être, tout à fait. Mais quand on avance dans la vie comme moi, effectivement, on est moins dans le faire que quand on est jeune comme vous. On a besoin de faire et donc on a plus de temps d'être. Et d'ailleurs, c'est merveilleux que la vieillesse existe pour nous permettre justement de nous débrancher un peu et de simplement être, parce que c'est quand on est dans l'état d'être qu'on a des chances de contacter notre âme. Parce qu'effectivement, c'est pas dans le faire nécessairement qu'on y arrivera. Alors, je vous propose, François, de vite d'accueillir les auditeurs. Voilà, on va Mais voir très volontiers. s'il y a des questions sur votre livre La preuve par l'âme au 08 92 23 95 20. Le 08 92 23 95 20. Voilà, j'ouvre les standards. On se retrouve dans quelques minutes. Nous étions projetés dans les sons angéliques d'Alice Coltrane, qui nous faisait part de ses talents de harpiste. Et nous nous retrouvons avec François De Witte et son livre La preuve par l'âme pour voilà, conclure cette émission. Je voulais vous poser une question, François De Witte, concernant le système capitaliste, hein, vous qui avez été très implanté dans le système économique et financier, est-ce que vous pensez, comme certains grands prix Nobel d'économie, que le système est voué à son effondrement? C'est une grosse question qui pourrait faire l'objet d'un entretien complet. C'est amusant que vous me posiez cette question parce que je suis convaincu que le système capitaliste est condamné à terme. Donc ça tombe bien. Alors que je suis d'une culture tout à fait libérale, je suis pour l'économie de marché. D'ailleurs, l'économie de marché ne résistera à l'effondrement du système capitaliste. Simplement, c'est les grosses structures qui deviennent beaucoup trop grosses et beaucoup trop obsédées par une seule chose qu'on appelle le bénéfice par action. Je vais pas embêter les auditeurs avec ce sujet, mais je suis tellement convaincu qu'il est à bout de souffle, ce système, je vais pas vous expliquer pourquoi, que je vais écrire un livre là-dessus. Donc, si vous voulez, c'est mon prochain livre, mais je veux l'écrire que parce que je peux le démontrer. En fait, ça passera par la bourse qui est mon sujet de prédilection, mais à laquelle je ne crois pas, du moins à terme, parce que c'est pas demain que ça va s'écrouler, c'est pas ni après-demain, c'est peut-être une affaire de 20, 30 ans. Et donc, il faudra trouver un système alternatif. Et c'est ça la grande difficulté. C'est pas le tout de dire, de condamner un système économique qui, après tout, rend des services, enrichit un certain nombre de gens, créer des emplois, enfin encore que le capitalisme aujourd'hui, celui dont je parle, n'est pas très créateur d'emplois, c'est plutôt les petites boîtes qui en créent. Je pense que ce système il va pas s'écrouler comme ça, mais il va partir un peu en quenouille. L'important, ça va être qu'est-ce qu'on peut mettre à la place. Et la plupart des gens qui aujourd'hui critiquent le capitalisme n'ont pas beaucoup d'idées de ce qu'on peut mettre à la place. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de signes qui indiquent que nous pouvons créer des systèmes économiques, on les appelle collaboratifs, l'économie positive, l'économie coopérative. Ça n'a rien à voir avec les coopératives de production. Mais disons que dans la nature, il y a énormément de coopération. Il n'y a pas du tout le darwinisme primitif dans lequel nous vivons. Juste un détail, le capitalisme tel que je le connais, c'est-à-dire qui démarre avec la société par action, ça peu importe, c'est un peu technique, il démarre en 1850, au même moment que Darwin émet sa célèbre théorie. Et je pense que le darwinisme sera remis en cause comme le capitalisme. Et que nos amis là-haut, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie que ça change. Alors donc, ils vont certainement nous aider à réfléchir à ce qu'on peut mettre à la place, parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un, je n'aime pas l'idée de critiquer un système sans imaginer quelque chose en substitution. On voit bien que le communisme, la nationalisation des moyens de production est un échec patent, sauf en Chine, mais c'est pas là-bas qu'elle a été nationalisée, parce que les Chinois, maintenant, ils sont libres de faire du capitalisme, mais sous contrôle du parti, hein, quand même. Donc, c'est pas le système chinois auquel je crois. Je pense à un système beaucoup plus différent, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus créatif, parce que c'est là où, effectivement, notre cerveau droit, notre capacité à nous brancher sur le tout, eh bien, doit pouvoir nous aider à imaginer, à concevoir des alternatives au capitalisme. Donc, rien n'est perdu. Ouais, moi, je suis quelqu'un d'optimiste par nature, et je pense, alors si vous voulez, pour la petite histoire, mes amis de l'autre côté et me disent, l'humanité, elle est encore là pour longtemps. Donc, il n'y a pas de bombe qui va nous détruire, je ne crois pas. Il n'y a pas non plus de... Encore que peut-être qu'on peut en détruire un certain nombre d'humains, j'en sais rien. Le défi écologique est aussi quelque chose que l'on doit pouvoir maîtriser. Mais par exemple, je prends un exemple tellement, je dirais, symbolique. Il y a dans l'espace une quantité d'énergie que je crois considérable. On appelle ça le champ du point zéro, le champ quantique, etc. J'en parle un peu dans mon bouquin. Cette énergie n'est pas accessible aujourd'hui. Je connais un homme des bois qui vit au fin fond du Québec et qui fabrique de l'électricité tout seul. Mais il fait des circuits avec des nouilles et il produit de l'électricité. C'est tellement vrai qu'il y a eu une panne de courant dans son village quelques années et Hydro-Québec, le fournisseur d'électricité, est arrivé en disant: Mais comment ça se fait qu'il y a encore de l'électricité chez vous? Où est-ce que vous allez la chercher? Il dit: Non, c'est moi qui la produis. Cet homme, il ne veut pas être connu. Il ne veut pas que son nom soit connu. Mais lui, personnellement, il a accès. Il ne sait pas comment. À l'énergie universelle, celle dont parlait Nikola Tesla, etc., il y a une centaine d'années. Eh bien, aujourd'hui, si quelqu'un trouve l'énergie universelle, va le breveter tout de suite pour faire fortune avec. Alors qu'elle doit être disponible pour tout le monde. Elle doit être accessible gratuitement par tout le monde. Donc, notre système de brevets, notre système de propriété de nos idées, c'est ça qu'il faut revoir. Il faut intellectuellement admettre l'idée, ça existe d'ailleurs en informatique, Linux, c'est un système d'exploitation qui est gratuit. Il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui sont posés à l'humanité qui sont gratuits. Parce que justement, leur concepteur a renoncé à ses droits d'auteur. Eh bien, je pense que il faut qu'on évolue au niveau des brevets, la protection des brevets, au niveau de la taille des entreprises, il faut mettre des lois antitrust mondiales, etc. Il y a plein, plein, plein de trucs à faire, mais il faut aussi qu'on imagine de la croissance, du développement à travers des structures plus humaines, plus humaines, où on respecte l'homme. Tout le monde vous dit dans l'entreprise, on respecte l'homme, mais n'empêche que dès qu'il y a un problème, on vire les gens. Donc ça prouve qu'on respecte pas vraiment ses collaborateurs. Alors que nous sommes tous issus de la même source, donc potentiellement Absolument. tous reliés. Et qu'on est tous des âmes, et que si on, je veux dire, qu'est-ce qu'on a? Daesh, c'est une horreur, si vous voulez. Bon, c'est une horreur parce que c'est des gens qui nient complètement l'existence des autres. Si vous voulez, d'abord, ce genre d'initiative, on a beaucoup de mal à les. Aller à lutter contre, si aujourd'hui on est un peu démuni, mais un musulman, il a autant d'âme qu'un chrétien, qu'un athée, si vous voulez. Donc, peut-être qu'un jour, les gens réaliseront que c'est comme ça qu'ils sont, ça qu'ils sont faits. Est-ce que vous pensez que justement les actions négatives sur autrui nous impactent directement? Ah, on dit souvent ça, je crois que le mal qu'on fait aux autres se retourne contre nous. Oui, ça je le crois très volontiers. Et on s'aperçoit d'un autre truc d'ailleurs, c'est que les gens qui ne nous veulent pas du bien peuvent nous faire du bien. C'est-à-dire que quand même, ça arrive aussi dans la vie, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, je suis aperçu que quand j'étais confronté à des gens qui étaient antagonistes, eh bien, ils me faisaient avancer finalement. Donc, le bien est bien et le mal peut être bien aussi. Bon, ça c'est un peu confus. Alors, je vous propose de terminer sur ce poème, ce magnifique poème de Khalil Gibran que je vais vous lire. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes des arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes sont projetées. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Voilà, merci en tout cas François Merci à vous, Devitt, hein, Roxane. beaucoup pour être venu parmi nous. C'était une très belle émission. Vous retrouvez bien sûr le livre de François Devitt, La preuve par l'âme, dans toutes les librairies de la ville et autres d'ailleurs aux éditions Guy Trédaniel. Bonne route à vous et un grand merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Yamuna Tira Vihare. l'amour.